Et justement, alors c'est marrant parce que il y a Julie qui m'en parlait à l'instant, qu'elle kiffait cette chanson-là. Truc de dingue, quoi. Elle était là en train de ça lui rappelait sa jeunesse en regardant les gendarmes. Ça me rappelle des très très bons souvenirs. Ah c'est bah pour oui. ça que je surkiffe cette do chanson. Do you, Saint-Tropez. Je pense que je vais l'écouter. Ça s'entend dans sa voix d'ailleurs. Bah, bien sûr. Toute la journée. Elle m'a même demandé, elle m'a dit, tu peux pas me le choper de la radio et tout. Je lui dis, Julie, c'est mal. Mais moi, dès que je mets un pied hors de la radio, je veux pouvoir l'écouter dans ma voiture. Bah, je me doute. Mais je peux rien faire pour toi. Je suis désolé, il va falloir que tu l'achètes. Ah là là, c'est pas grave, je vais courir aller l'acheter. Ah, je ne suis désolé, mais au moins on ne m'achète pas. Ah non, mais ça. Ah, ça par contre, ça m'étonnerait. Ah, moi je suis désolé, mais c'est comme ça. Un petit billet, oui. On peut te demander n'importe quoi avec un petit billet. Tu aimes tellement l'argent. Totalement faux avec deux billets. Ok, d'accord. Un billet, enfin quoi que c'est un billet de 500, pourquoi pas. Bon, 6h23 sur Fun Radio, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée également hier. Et puis, bah, vous souvenez de la journée d'hier au niveau de la météo? Eh bah, c'est pire aujourd'hui. Non, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Bon, enfin, bon, c'est pas terrible dans les deux cas. Ouais, c'est ça, plus devant, ouais. Bon, ouais, en tout cas, on en parlera. Devant, ça fait sécher plus vite. Mais oui, c'est ça, ouais. On en parlera dans un instant d'ailleurs avec Julie, bien évidemment. Et puis, un message qui vient d'arriver, tiens, au 3044. Ah, Mickaël, c'est marrant que ça, je viens de lancer ma camionnette de glace et maintenant, c'est le recyclage. Mais je veux bien en parler à la radio pour réveiller la Belgique, c'est Jérémy. Ah, bonne idée ça. Vous vous souvenez hier, dans le Mickaël réveille la Belgique, je me suis dit, tiens, puisque Sébastien Loeb va réveiller la Belgique avec un mégaphone, pourquoi ne pas utiliser les petites musiques de la glace pour parler dedans et du coup avec une camionnette passer et faire le tour de la ville avec l'annonce Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Tu vois, je me suis dit que ça pouvait être sympa vu que les camionnettes de glace étaient à l'arrêt maintenant, forcément. Et quoi, elles se recyclent en gaufre. Oui, elles se transforment en gaufrier. Normalement, ça, hein. C'est des gaufres maintenant, effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils mettent la gaufre devant les pneus et après, hop, ça fait de la glace. Et puis après, ça fait de la glace. Et bien, ça fait de la glace. Ça fait des gaufres, effectivement, oui. Bon, t'as fait passer une bonne nuit? Non. Toi, t'as été chercher le petit déj, surtout. Ah, mais alors, ça, franchement, je suis épatée. Julie a été chercher le petit déj. Julie est pas à l'abri de craquer, là. Non. Ah non, mais je vais craquer direct. De toute façon, c'est une journée. Non, sur toi, je parle, pas sur le petit déj. Ah non, ça. Il a marqué des points. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, il a marqué des points, mais ça c'est clair. Mais Toff m'étonnera tous les jours. Ouais, tu vois, comme quoi, hein, comme quoi. Ouais, comme ça, en fait c'est un petit cœur tout tendre comme ça. Non, pas, j'avais envie de petit-déj, je me suis dit ça se fait pas de t'en prendre pour les autres. Ah bah voilà, c'est ça. Tu aurais pu le bouffer tranquille dans la voiture et faire comme si de rien n'était et arriver avec un petit morceau comme ça sur le côté. C'est vrai, en tout cas bon appétit si jamais vous êtes en train de prendre votre petit-déj justement chez vous. Nous on va faire pareil ici à la radio, il n'y a pas de problème. Et donc ce matin, pas mal de choses, puisque comme hier d'ailleurs et comme toute cette semaine sur Fun, dès que vous entendez ce petit signal, il faudra vous inscrire au 6322 code Astérix avec vos coordonnées complètes pour repartir avec vos 4 places pour aller au parc Astérix. Et en plus de ça, elles seront peut-être VIP et vous irez peut-être avec Quentin Mossiman au parc Astérix. Et l'avantage au parc Astérix en VIP, c'est que vous passez devant tout le monde. Et ça, c'est très très bon parce que des files d'attente peuvent te gâcher une journée dans un parc d'attractions. Exactement. Et comme Quentin Mossiman est quelqu'un de plutôt cool et qui est quand même un petit peu de pognon, si vous gérez bien, surtout si vous êtes des gonzesses, vous allez peut-être arriver à vous faire inviter. Moi, je dis ça après, c'est pour la bouffe et les boissons, quoi, par exemple. Hein. Donc, oui, par exemple. Ouais, s'il y a moyen de gérer ça, ça peut être bien. Donc, dès que le signal retentit, 63-22, on aura l'occasion de vous rembourser vos factures également ce matin, comme chaque matinée d'ailleurs sur Fun Radio. 63-22 également, code facture. Vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Comme là, tiens, un petit message qui vient d'arriver. 78,71 € pour Proximus. Il y a également 129 € pour la DS pour l'année de je ne sais pas qui, mais bon, un kiné 98,51 € et les autres, bref, vous savez, vous connaissez, vous savez comment ça marche. Ah ouais, c'est clair, ouais. Vous savez comment ça marche maintenant. 63-22 tout simplement avec le code facture, le montant et l'objet de cette dernière. Et puis enfin, les là évidemment, la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure. Il y a Toff qui va faire chier le monde. On va faire quoi aujourd'hui? Nous allons mendier. On va mendier, d'accord, c'est une idée aussi, hein, pourquoi pas. Et puis, on aura aussi les cadeaux à vous filer, écran plat, entre autres, à vous filer. Écran plat, il y a également les packs Nintendo Wii, les chaînes micro-chaînes Philips ou encore les appareils photo numériques Samsung. Si vous arrivez à répondre correctement à cette petite devinette qui colle, validée par Julie, bien sûr, la censure de cette émission. Comment appelle-t-on à Paris un homme intelligent? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, 1 € le message, et vous choisirez un des cadeaux dont je vous ai parlé. Et puis on aura aussi des places. Ah oui, ça c'est très important. Ce soir au carré, il y aura Sarah et Shaggy. Je sais pas si vous vous souvenez de Sarah et Shaggy, leur chanson là. C'est complet, j'ai réservé pour moi tout seul. Donc. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était ça pour ceux qui voient pas. Eh ben ils seront ce soir au carré et j'ai des places à vous filer, dont 2 places VIP. 2 places VIP pour aller rencontrer Shaggy et surtout ça. Donc ça, ça peut être un bon plan. Voilà, on en reparlera tout à l'heure en tout cas. Vous allez vous inscrire, bref, tout à l'heure, je vous en reparlerai. Ne mettons pas la charrue avant les deux. Dans un instant, l'info. Et avant cela, il y aura aussi Mister You avec DJ Abdel et Funk You. Et je vous rappelle la devinette qui colle. Comment appelle-t-on à Paris un homme intelligent? Quelqu'un qui n'habite pas dans la ville, donc, et qui éventuellement serait de passage, hein, pour donner un petit indice. 63-22, bonne chance tout le monde. Et à 6h28, commençons maintenant l'émission avec les mauvaises nouvelles de Julie. Salut à tous, c'était un génie de l'informatique. Steve Jobs s'est éteint cette nuit à l'âge de 56 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Il avait cofondé la société Apple en 1976. En congé maladie depuis janvier dernier, il avait annoncé sa démission de son poste de directeur général le 24 août, cédant les rênes à son numéro 2, Tim Cook. Le président Barack Obama a déclaré que le monde avait perdu un visionnaire. Les fans d'Apple déposent en ce moment des fleurs et des pommes devant les magasins Apple. Le fédéral et les régions s'alignent pour sauver Dexia. Le Premier ministre a rencontré hier soir les trois ministres présidents des gouvernements régionaux pour discuter de l'avenir de la banque. La réunion d'un peu plus d'une heure a porté sur les différents scénarios envisageables. Ceux-ci seront examinés au cours des prochaines heures par des experts. Didier Reynders privilégie un destin similaire à celui de Fortis qui s'est associé à BNP Paribas. Le ministre des Finances n'est pas favorable à la voie de l'autonomie que l'on nomme aussi le stand-alone. La Wallonie s'exporte de plus en plus. Les exportations wallonnes ont progressé de 13,3% au premier semestre 2011 par rapport au premier semestre 2010. C'est ce qui ressort des chiffres de l'AOEX, l'agence wallonne à l'exportation. C'est un record absolu pour le commerce extérieur wallon. C'est la première fois que les ventes wallonnes à l'étranger passent la barre des 21 milliards d'euros d'un semestre. C'est la fin d'une saga. Les platanes de l'avenue du port à Bruxelles ne seront pas abattus. La justice a donné raison aux associations qui ont lutté durant tout l'été contre le démarrage du chantier de réaménagement de l'avenue. Chantier qui prévoyait d'abattre les 300 arbres. Cette décision met définitivement un terme au projet de réaménagement autorisé depuis 2008 par un permis qui arrivait à échéance à la fin de la semaine. La loi anti-burqa ne sera pas suspendue. La Cour constitutionnelle a rejeté la demande en suspension de cette loi qui avait été introduite par deux femmes portant le voile intégral, verbalisée en 2009 et 2011 à Etterbeek et Molenbeek. La Cour estime que le préjudice grave évoqué par les requérantes n'est pas démontré. Et puis, 3 Flamands sur 4 sont fiers d'être belges et n'imaginent pas la Flandre devenir indépendante. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien flamand Het Nieuwsblad. 2 Flamands sur 3 pensent que la Belgique existera encore dans 10 ans, tandis que les 30% restants pensent que la Belgique ne sera plus qu'un souvenir dans les manuels d'histoire. Et à 6h31 sur Fun Radio, passons maintenant à cette magnifique météo. Bonne nouvelle, un front froid affectera notre territoire. Il traversera le pays d'ouest en est et toutes les régions seront arrosées. Le gris restera la couleur dominante du ciel de 12 à 16 degrés. Et je voulais juste rajouter que le vent sera par moments soutenu. Comme ça, c'est la totale. Voilà, c'est génial, c'est ça l'automne là. C'est pas des températures de 25 degrés. Non mais attends, ça veut dire quoi ça? Arrêtez avec tout ce soleil, c'est insupportable. C'est ça. Et bien, rassurez-vous, la pluie. Demain, c'est un temps un peu préparé comme celui c'est d'aujourd'hui. C'est génial. Mais oui, c'est merveilleux. Franchement, moi, je trouve ça une bonne nouvelle. Ouais. Bien fait, tiens. C'est très bien. Ah ouais, Fun Radio. Je suis pas à l'abri de faire péter le champagne. Ah oui, non, mais ça, j'imagine, oui. Mais pas à l'abri. Ah non, non. Bon, mais ça, allez, passons à l'info en plus maintenant. Eh bien, c'est pas super étonnant, mais une étude l'a prouvé, une de plus. Presque toutes les chansons populaires parlent... devinez de quoi ? D'amour. Oui, plus précisément de sexe. D'accord. Apparemment, c'est une véritable obsession. C'est une étude donc américaine qui se base sur le top 100 du classement Billboard de l'année 2009. Ouais. Et donc, la majorité des chansons populaires parlent de sexe, quoi. Certains messages se retrouvent régulièrement dans un style bien précis de chansons. Par exemple, les chansons R&B, le message sexuel est souvent très clair, un peu plus que dans les chansons pop. Et par contre, la musique country fait, elle, généralement l'éloge du mariage, de la paternité, de la fidélité dans les relations. Beau. Voilà, donc c'est écoutez magnifique. De la musique country. Oh bah oui, bah voilà, donc country dorénavant, ce sera Fun Radio, le son country. Exactement. Voilà. Ah, puis ça va faire un carton, je le sens. Ah non, puis ça va cartonner, moi je sens qu'on va passer devant toutes les autres radios. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on va tous les enterrer là. C'est pas qu'on se fait chier avec le son dance floor, avec le son country. Personne n'est dessus, quoi. Mais personne. Tu vois, on devrait faire le son country, ça devrait tellement bien. Ah bah je pense, ouais. ou en tout cas il a rêvé. Ouais, on va plutôt le rester à ce moment-là, hein, ouais, dans le rêve. 6h33 sur Fun. Bon réveil tout le monde. Mister You et DJ Abdel avec Funk You. On va écouter ça maintenant. Et je vous rappelle encore une fois la petite devinette qui colle. Vous êtes quasiment il y a une personne qui a trouvé pour l'instant. Donc autant dire qu'il reste de la place, hein, si vous voulez repartir avec vos écrans plats entre autres. Comment appelle-t-on à Paris un homme intelligent? Ce n'est pas un Belge. Oh les longues bandes de grandes gueules. C'est dingue ça. Ah moi j'aurais répondu ça aussi. Ah non, pas du tout. Ah, bon. C'est en général que c'est le nom appelle quelqu'un qui se trouve dans une ville ou un pays qui n'est pas le sien. Il passe là quelques jours ou semaines en vacances. Oui. Ouais, donc si un Belge ça marchait un peu. Oui, mais c'est pas ça que je cherche. C'est non, le nom global. Ouais. Donc n'importe quelle nationalité hors français qui irait en France, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà. Ouais. Il y a aussi beaucoup de Chinois à Bruxelles par exemple qui sont des Chinois. Qui viennent pendant, oui, qui sont des Chinois bien sûr, et qui viennent pendant comme ça une semaine ou deux, parfois un peu plus. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est un euro le message. Bonne chance, et comme je le disais, Mister You et DJ Abdel, maintenant c'est Funk You. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h37. Bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Et puis on aura l'occasion tout à l'heure aussi de vous rembourser vos factures. Ce sera vers 7h10. Les inscriptions 63-22. Code facture. Et parlons maintenant des stars les plus riches. Histoire de bien vous rappeler que personne ici n'a un rond. Exactement. Quand je dis sauf ici, c'est si vous chez gagnez vous, les ici. 119 millions d'euros. Oui. Sont à l'euro million. Ouais, effectivement. D'ailleurs, on parle tellement d'euro million, je pense qu'on devrait avoir des tickets gratuits. Tu vois, franchement, ouais. Tellement on fait leur pub. Ouais, franchement, ce serait pas mal, ouais. Ouais, non, d'ailleurs, je pense qu'on l'a bien mérité. S'ils nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à nous. Ah oui, non, envoyez-nous tout ce qu'il faut. Non, mais envoyez plutôt à mon nom, parce que si c'est au nom de Mickaël, il donnera rien à personne. Je suis l'honnêteté même. Non, la loterie nationale ne va pas bien, les gars. Arrêtez de les. Ah, c'est ça. Ah oui, mais non, c'est vrai, ils vont mal. Ils vont très mal. Ah, arrête un peu. Bon, en tout cas, donc, je voulais parler des stars les plus riches. Alors, d'après vous, qui sont les stars les plus riches? Bah, il y avait bien Steve Jobs, pardon, mais. Bah, écoute, il est même pas dans le classement. Ah bon? Le classement, j'ai un classement jusqu'à 10. C'est un patron d'entreprise. Oui, c'est vrai que c'est pas vraiment une star. Ouais, c'est quasiment c'est une star, star dans les, plutôt dans les médias comme ça. C'est une star dans les médias. Dans l'industrie du divertissement, plus précisément. Bon, vous ne trouvez pas, vous êtes nul, c'est pas grave. Bon, dis donc. Alors la première, on peut quand même dire le numéro 2, c'est quand même Lady Gaga. D'accord. Elle facile à trouver ça. Non, non, non. C'est Oprah Winfrey. Ah bah oui. Ah ouais. Une fois oui, plus, c'est vrai, en plus on avait déjà elle, parlé, je suis con. Qui est numéro 1 au classement de Forbes. Évidemment, ouais. Ce magazine qui fait toujours des classements chaque année. Je n'en avais parlé il n'y a pas très longtemps non plus. Les stars dans la chanson, c'est il vrai. Me semble. Bon là c'est un peu tout confondu en tout cas dans l'industrie du divertissement. Et donc c'est Oprah Winfrey qui est une fois de plus numéro 1 avec quand même 218 millions d'euros. Non mais c'est surréaliste. La peau. Mais attention, 218 millions d'euros. Toi aussi c'est d'ailleurs. L'argent. Quand on vous dit, parce que Julie aussi elle fait de la télé. Hein. Et après, ouais, mais j'ai pas d'argent. Regarde l'autre là. Ouais. 218 mais millions d'euros. Tes milliards, là, je suis pas dans l'image. Hein. Moi je suis derrière. Ouais bah justement. Journaliste, tu gagnes que dalle. Hein. Ouais. Pas bon. Ça se plaint. En tout cas, Oprah Winfrey, c'est elle qui a gagné le plus d'argent à Hollywood cette année. Ah ouais. Et donc Lady Gaga arrive en seconde position avec. Elle est quand même loin derrière, c'est hyper impressionnant. Donc j'avais dit Oprah Winfrey 218 millions d'euros, Lady Gaga 67,5 millions d'euros. Ah oui, quand même, loin derrière, mais enfin toujours blindé. Oui. Si vous posez la question, dites tiens, c'est marrant, Julie a changé de voix, c'est parce qu'elle est en train de bouffer comme une grosse vache. Oui, pardon, je suis en train de. Qu'elle est en train de faire son info. Non, je suis en train de manger. Qu'elle est en train de surbouffer. Ah oui, mais parce que j'ai ce gros pain au chocolat vraiment très très gras dans ma main. Voilà. Je, bon, tout ça pour nous rappeler bien. Que là, on, là, la majorité des gens sont en train de se lever pour aller travailler pour gagner que dalle. Voilà. Alors qu'il y en a qui alors, font. Alors, dans le classement, il y a Gisèle Bündchen, donc le mannequin, Taylor Swift, ben ouais, Katy ça. Perry. Beyoncé arrive en 9ème position ah avec 26,3 millions d'euros. Oh, la pauvre, elle est presque au SMIC. Très très dur, ouais. Elle est à la ramasse, quoi. Ouais, non, le CPAS, la guette. Mais heureusement, maintenant, elle fait un enfant, donc elle aura des allocations. Ah, bah oui, bah bien sûr, bah oui, ça attends. Va. Si elle a des allocations, alors tout va bien. Est-ce que c'est proportionnel à ce que tu gagnes? Je sais pas, mais ce serait quand même un peu scandaleux, quoi. Ça ferait peur. Bon, 63-22, code rien du tout. Vous démarrez votre message avec la réponse. Si vous avez la réponse à la question d'Evinit qui colle, comment appelle-t-on à Paris un homme intelligent? On avait proposé un étranger. Non, pas du tout, c'est quelqu'un oh, qui. Loin, alors, un étranger. Non, un étranger, c'est quelqu'un qui s'installe et qui n'est pas de la nationalité. Là, il s'installe pas, il passe juste en vacances. Ouais. Il est, oui, certes, étranger, évidemment, mais on a un nom bien particulier. On proposait les gitans. Non, pas du tout. Mais si vous avez la bonne réponse, allez-y. L'étranger, Greg de Charleroi, c'est pas la bonne réponse, comme je viens de le dire. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1 euro le message. Et surtout, écran plat à gagner, entre autres, dans un instant sur Fun Radio. On vous diffusera les meilleurs messages de la ligne anti-relou. On parlera de l'info sur la route également. Et on aura le son de David Guetta avec Usher. Without You sur Fun Radio. Bonne matinée à 6h41. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio, bonjour tout le monde, il est 6h45, passons maintenant à l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes? Bon, à mon avis, pas un grand chose encore à cette heure-ci, mais bon. Soyez prudents, on nous signale une perte de chargement sur le 313 Liège en direction de Anvers, à hauteur de Lumen, plus particulièrement avant la sortie Lumen Zolder Industrie. Le passage est difficile. D'accord, donc faites gaffe. Qu'est-ce qu'il a perdu comme chargement? Des poulets? Non, on ne sait pas. On ne nous signale pas. Non, parce que c'est des télés, je peux l'aider à déménager. Ah oui, c'est ça, nous on peut aller filer un coup de main pour. Non, mais c'est uniquement pour débarrasser la route. Justement, hein. Ce sont des télés, oui. Ah, bah on va aller débarrasser la route alors, hein, voilà, pas de problème. Hein. Allez, si les garçons, jamais c'est un fourgon aussi, nous on peut aussi aller débarrasser la route, il n'y a pas de problème. Prends ses gants, on va soulever, il n'y a pas de problème. Bah allez-y. Bah je te confirme. 6h46, pour vous dire également qu'il y a la possibilité maintenant de nous aider, nous on s'en fout parce qu'on est déjà arrivé, mais d'aider ceux qui vont aller au travail maintenant, puisque si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un accident, d'un bouchon ou même d'un radar, venez, n'hésitez pas à nous le signaler d'ailleurs au 3044 par SMS ou alors tout simplement sur le mail, c'est mikl@funradio.be. La ligne anti-relou, c'est parti. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio à 7h15, 8h15 et 9h15. La ligne anti-relou, c'est quoi? C'est simple. La ligne anti-relou, c'est un numéro de téléphone mis à votre disposition. Le 0 473 86 00 13. Numéro à retenir impérativement par cœur, puisque vous allez devoir le donner comme si c'était le vôtre au premier relou qui passe. Le relou, c'est quelqu'un qui arrive vers vous, qui vous prend la jambe pendant, ou la tête en l'occurrence, pendant des minutes et des minutes, voire même des heures, voire la soirée complète, qui veut absolument votre numéro de téléphone parce qu'il est persuadé qu'entre vous et lui, ce sera une grande histoire d'amour. Voilà. Et donc, pour vous en débarrasser, avant, vous faisiez quoi? Eh bien, vous donniez votre numéro de téléphone. Du coup, ce n'était qu'un sursis, puisque le lendemain, il était de retour en train de vous prendre la tête, mais par téléphone cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, au lieu de lui donner votre numéro, donnez-lui le nôtre. Donc du coup, il sera content, il va vous lâcher l'affaire. Et puis surtout, il va laisser un message sur notre répondeur et nous, on se fera un plaisir de l'écouter, bien entendu, dès le lendemain. Écoutons par exemple le premier message de ce matin. Bonjour, ça fait plusieurs fois que je t'ai téléphoné. C'est toi qui m'as donné ton numéro de téléphone. C'est pour une rencontre, en fait. Voilà, à bientôt, j'attends tes nouvelles. Et tu veux pas me rencontrer, et tu peux dire que tu ne veux pas, donc je n'assiste à te rappeler. Dans le cas contraire, je t'embrasse. À bientôt. Ah oui, il n'a pas compris tout seul, en fait. Il faut lui signaler qu'il ne faut pas insister, sinon il insistera indéfiniment. Indéfiniment, jusqu'à... Il ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à la fin, qui est conçu. Jusqu'à la fin des temps, il rappellera ce numéro. Tout à fait. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Ouais, Sandrine, c'est Claudie. Je t'appelle parce que je voulais prendre de tes nouvelles, en somme. Et bon, comme tu m'avais dit qu'il y avait moyen, j'aurais bien voulu qu'on tire notre coup ensemble, tu sais, histoire de se faire un peu plaisir, quoi. Enfin bon, moi j'aimerais bien vite te revoir, donc si tu sais me rappeler dès que t'as mon message, franchement ce serait bien gentil de ta part. Allez, gros bisous sur tes petites fesses. Allez, bisous. Gros bisous sur tes petites fesses. Mm-hmm. C'est bien, c'est la classe. Ah oui, mais grande classe là, il dit ça direct. Mais il pense vraiment que ça peut l'aider à draguer une fille? Écoute, visiblement, s'il l'a fait, je pense qu'il en est persuadé, effectivement. Ouais, moi, d'accord. Je trouve ça sympa, t'appelles une autre, tu fais oui, j'aimerais bien qu'on tire notre petit coup ensemble. Voilà, et c'est ça. Et puis, petite fesse. Voilà. Oui, et gros bisous sur tes petites fesses. Hein. Allez hop, c'est parti, troisième et dernier message pour l'instant. Bonjour Nathalie, ici c'est Cédric, le collègue d'Audrey. Je te informe pour te faire un petit coucou, savoir si on pouvait un soir se voir pour aller manger à bout. Parce que je t'apprécie, merci, au revoir. Oh là là là là là là. Mm-hmm. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je t'apprécie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein ouais. Ça peut arriver, hein. Julie, je t'apprécie. Comme quoi, vous voyez que le conseil que je vous ai donné avant d'écouter les messages, de donner notre numéro plutôt que le vôtre, ça peut servir. Ouais. Moi je dis ça, après c'est pour vous rendre service. 0 473 86 00 13. La ligne anti-relou revient dans une heure sur Fun Radio. Et puis dans un instant on va appeler des gens aussi, puisque toi va se faire passer, va mendier en fait, voilà, c'est ça. Oui, je vais mendier d'ici quelques instants. Je vais aller quémander. Exactement. Et je vous donne également encore une fois la possibilité de vous inscrire pour repartir avec les écrans plats, entre autres les packs Nintendo Wii également. Comment appelle-t-on à Paris un homme intelligent? J'avais dit que c'était quelqu'un qui était là pour quelques jours ou semaines, qui vient visiter par exemple. On appelle ça d'une d'une manière bien précise, proposer les vacanciers. Non, pas du tout, mais c'est effectivement le même esprit, on va dire ça comme ça. Mais voilà, les gens du voyage, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un simplement qui va, voilà, qui va quelques jours en vacances et... c'est un porte-à-nom en fait, tout simplement, c'est celui qu'on cherche. Voilà, 63-22 avec la réponse, c'est 1€ le message, bonne chance. Et on écoute en attendant d'avoir la réponse justement David Guetta et Usher maintenant sur Fun Radio à 6h50, c'est Without You. Bonne matinée, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. C'est Fun Radio et David Guetta à l'instant avec Usher et Without You. Il est 6h53, bon réveil tout le monde. On aura des places à vous filer pour le parc Astérix, ce sera tout à l'heure. Et des places également pour venir aller, enfin pour aller ce soir plutôt assister au show de Shaggy et Sahara qui seront déjà nos invités dans les jours à venir. Je vous en donnerai la date bien plus tard bien évidemment, mais qui seront ce soir au Carré à Willowbrook. Et on a des places à vous filer pour assister à la soirée, assister au show, ainsi que deux places VIP pour le meet and greet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer Shaggy, lui poser des questions, boire un verre avec lui, et surtout la petite blonde qui est avec lui dans le clip Champagne, que je vous invite à aller voir sur YouTube d'ailleurs si vous le souhaitez. 6322 code Shaggy tout simplement avec vos coordonnées complètes, c'est aussi simple que ça. Bon, allez, avant de donner la réponse dans un instant à la devinette qui colle, nous allons maintenant faire chier le monde hein, avec Top comme d'habitude. On en a pris l'habitude justement. Alors ce matin on fait qui comme victime? Bah, en fait je voulais partir à la recherche de gens généreux. Quoi, t'as pas eu assez de cadeaux pour ton anniversaire? Pas facile à trouver. Pas loin. Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est, en fait, j'ai vu une vidéo sur YouTube. C'est un mendiant américain en fait qui maintenant accepte les cartes de crédit. Oh non, mais c'est si. Énorme. Et je trouvais ça super cool et tout. Donc je me suis dit, bah attends, il faut. Ah, mais ils ont des appareils à carte de banque? Ouais, en fait, c'est comment t'expliquer? C'est le créateur de Twitter en fait qui vient d'inventer ça. C'est un système qui se branche sur ton téléphone, genre, tu vois, ton iPhone, ton Samsung. Enfin, il faut que ce soit sur Android ou sur iOS 5. D'accord, ouais. Voilà, c'est les deux seules conditions. Ah, c'est pas mal. Et donc après, tu peux encaisser n'importe quel paiement et en fait, tu reçois un mail qui te dit que ça a bien été crédité sur ton compte. Ah, c'est cool ça. Voilà. Faudra le même, moi. Donc du coup maintenant plus d'excuses. Ah bah non, je suis désolé, j'ai pas de monnaie. Mais c'est pas grave, tu as une carte. Oui, tu as bien une carte de banque, une carte de crédit, ah, là, quelque là, chose là, là. Hein. C'est pas drôle ça. Bon ben on va. Et tu es persuadé que les gens vont te donner de l'argent? Bah attends, je suis un pauvre mendiant. Je n'ai pas de travail en ce moment et j'aimerais bien que vous m'aidiez à me subvenir à mes besoins. Oui. Bon, on va appeler où alors? Quelle ville? Nous allons à Jumet. À Jumet, d'accord, ok. Allez, je me suis dit que Jumet de l'argent, ça pouvait marcher. Oui. Ouais, c'est 6h55 sur Fun. J'ai pas adhéré à cette vanne. Non, pas des masses. Alors, qu'est-ce qui se passe encore avec ce bordel là? Voilà, truc, attention. Et personne décroche, hein, Tof. Je sais pas si t'as remarqué, mais. Allô? Voilà. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous importuner ce matin, mais voilà, je suis malheureusement blessé par les aléas de la vie et je n'ai plus de travail ni de domicile. Alors je vous demanderai de me faire un petit don que je suis prêt à encaisser avec votre carte bancaire. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Voilà, je suis sans domicile fixe et malheureusement les aléas de la vie m'ont conduit à vous appeler. Je suis prêt à encaisser votre don avec votre carte bancaire. Oui. Pouvez-vous me faire quelques euros? Non, je sais pas. Non. Mais madame, vous savez, les aléas de la vie sont difficiles pour moi. Alors s'il vous plaît, faites un petit don. Aujourd'hui, je peux accepter votre carte bancaire. Plus besoin de tickets restaurant, de monnaie ou de billets. Directement sur votre compte, je vais prélever. Ah non, on n'a pas moi. Non. Mais si, madame, je suis sûr que vous avez une carte de crédit que je pourrais utiliser. Non. Je vous écoute pour les 16 chiffres. Allez, va, on ne comprend pas. Allez, va. Mais non, mais on a appelé en Belgique. Oui, on a appelé à Jumet, oui, donc je comprends pas très bien, mais bon. Ah, d'accord. Bon, on va rappeler un petit coup, là. Oui, parce qu'on ne sait pas, on sait pas bien compris, je crois. Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui parle français dans la famille. Ou alors, ils font exprès. Ah, oui, il y a des chances. Ah, ouais. Ah, comprends pas. Ah, c'était peut-être un étranger dans le pays, il était plus en vacances. Ah, peut-être. Allô? Oui, madame, vous n'avez pas de cœur. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous pourriez au moins me donner quelques euros, même des centimes. Je suis prêt à les accepter. Oh non, je ne comprends pas, non. Ne faites pas semblant. Vous avez très bien compris. Allez, va. Eh ben voilà, ben c'est perdu, hein. Oh là là, voilà. Les gens sont pas cool, hein. C'est un, non, c'est déconner. Hein. Non, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas voulu te donner directement leur numéro de carte. Alors que t'appellerais chez Julie, elle te paye direct. Ah mais attends, mais moi je. Non malaise. T'imagines. Je viens avec toi faire du shopping. Mais hein. direct. Alors, c'est vraiment dommage. Et en plus, c'est pas comme s'il y avait que moi qui pouvais récupérer le numéro. Quoi. Ah bah non, pas c'est du ça, tout. Voilà. Non. Bon bah tant pis. Alors c'est pas grave. On va prendre le gagnant aussi pour la devinette qui colle maintenant. Bonjour, qui est là? Franck. Salut Franck, comment vas-tu? Ça va. Bon, bah, bienvenue à toi, Franck. Ah, t'es au boulot, tu fais quoi dans la vie? Chauffeur en carrière. D'accord. Du côté de Tournai. Ah, ouais, ok, d'accord. Bon, bah, écoute, bon courage alors. Hein. Bon courage. Bon, dis-moi, Franck, tu as la réponse à la petite devinette qui colle là? Devinette qui colle, oui. Comment appelle-t-on à Paris un homme intelligent? Un touriste. Eh ben voilà, en toute simplicité, c'est le mot qu'on nous cherchions tout à l'heure. Hein. Vous mais êtes nombreux à passer à côté, mais bon, quand même, quelques-uns aussi à avoir bien répondu. Eh ben bravo, Franck, tu restes au standard. On va prendre tes coordonnées et t'envoyer ton cadeau très rapidement. Merci. Je t'en prie. Salut Franck, à bientôt et bonne journée. Allez, merci à toi. Ciao Franck. Bon, et puis restez bien là dans un instant, une autre devinette qui colle. Et puis nous allons passer aux infos également avec Julie. Ce sera dans quelques instants, ne bougez pas de là. Mais avant cela, si la machine veut bien, voilà. Niro qui arrive. Bien se réveiller à 7h du mat. Nirek Promises, ça va arriver dans un instant. Bon réveil sur Fun, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun. 7h du mat sur Fun Radio, bon réveil. C'est l'info maintenant avec Julie, bien évidemment. Salut à tous, c'était un génie de l'informatique. Steve Jobs s'est éteint cette nuit à l'âge de 56 ans. Et des suites d'un cancer du pancréas, il avait cofondé la société Apple en 1976. En congé maladie depuis janvier dernier, il avait annoncé sa démission de son poste de directeur général le 24 août, cédant les rênes à son numéro 2 Tim Cook. Le président Barack Obama a déclaré que le monde avait perdu un visionnaire. Les fans d'Apple déposent en ce moment des fleurs et des pommes devant les magasins d'Apple. Le fédéral et les régions s'alignent pour sauver la banque Dexia. Le Premier ministre Yves Le Terme a rencontré hier soir les trois ministres présidents des gouvernements régionaux pour discuter de l'avenir de la banque franco-belge. La réunion d'un peu plus d'une heure a porté sur les différents scénarios envisageables. Ceux-ci seront examinés au cours des prochaines heures par des experts. Didier Reynders privilégie un destin similaire à celui de Fortis, qui s'était associé à BNP Paribas. Le ministre des Finances n'est pas favorable à la voie de l'autonomie. La Wallonie s'exporte de plus en plus. Les exportations wallonnes ont progressé de 13,3% au premier semestre 2011. C'est ce qui ressort des chiffres de l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation. C'est un record absolu pour les commerces extérieurs wallons. C'est la première fois que les ventes wallonnes à l'étranger passent la barre des 21 milliards d'euros lors d'un semestre. Les trois premiers secteurs d'exportation sont les produits des industries chimiques, les métaux communs et ouvrages en ces métaux et les machines et équipements électriques et électroniques. C'est la fin d'une saga. Les platanes de l'avenue du port à Bruxelles ne seront pas abattus. La justice a donné raison aux associations qui ont lutté durant tout l'été contre le démarrage du chantier de réaménagement de l'avenue, chantier qui prévoyait d'abattre les 300 arbres. Cette décision met définitivement un terme au projet de réaménagement autorisé depuis 2008. Plus de la moitié des vendeurs en ligne ne remboursent pas le montant total des achats non satisfaisants. C'est le résultat d'une étude des centres européens des consommateurs. Seuls 43% des vendeurs ont effectivement remboursé le montant correct. La directive européenne sur les contrats à distance est claire. Lorsque le consommateur décide de se rétracter, le vendeur est tenu de rembourser la totalité des montants versés. Frais d'envoi inclus, l'étude a mis en avant que 90% des achats avaient été remboursés, mais que dans 57% des cas, le remboursement ne comprenait pas le montant total, les frais d'envoi étant systématiquement déduits. Et puis, 3 Flamands sur 4 sont fiers d'être belges et n'imaginent pas la Flandre devenir indépendante. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien flamand Het Nieuwsblad. 2 Flamands sur 3 pensent que la Belgique existera encore dans 10 ans. Tandis que les 30% restants pensent que la Belgique ne sera alors qu'un souvenir que l'on retrouvera dans les manuels d'histoire. Et à 7h03 sur Fun Radio, passons à... quoi? Bah écoute, sortez les pulls. Vous même sortez si pas. Ça va, de 12 à 10, à 16, de 12 à 16 degrés, ça va encore, mais un front froid affectera notre territoire. Oui, il traversera le pays d'ouest en est et toutes les régions seront arrosées. J'essaie de le faire un petit peu mode intelligent au lieu de dire nuages, pluie, tout le pays. Le gris restera la couleur dominante du ciel et le vent sera par moments soutenu. Mesdames et messieurs, sur Fun Radio, Julie Trudemans. Oui, voilà. Qui est avec nous, bien évidemment. 7h03, l'info en plus, elle arrive dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Bon, espérons que l'info en plus soit meilleure que la météo. Alors, selon vous, pourquoi en Grande-Bretagne, maintenant, on montre la cellulite de Britney pendant les cours en primaire? Pourquoi en Grande-Bretagne on montre... J'en sais rien, c'est devenu tendance d'avoir la cellulite, tu vois. Non, pour pas que du tout. Que c'est un boudin. Non, c'est pour montrer justement que maintenant toutes les photos sont photoshopées. Donc tu vois que les photos représentées dans les pubs sont manipulées informatiquement, pour le dire autrement. Donc on montre, par exemple, le cours se compose de 14 diapositives PowerPoint qui montrent des stars, des affiches de concerts, des photos de mannequins, etc. Parfois même en sous-vêtements. Et alors il y a des comparaisons. Donc on montre tout ça à des petits en primaire pour leur montrer que c'est faux, que les images que l'on voit, ce n'est pas la réalité, et que les magazines abaissent l'estime de soi, que ça met leur santé physique et mentale à mal. Et donc par exemple, et c'est vraiment là, c'est la vérité. La vérité vraie. On leur montre une photo de Britney Spears en maillot de bain à côté d'une autre sur laquelle ses jambes sont beaucoup plus minces et sans cellulite. Ah ouais. Et donc la leçon se termine par une discussion sur l'importance des qualités personnelles, les valeurs humaines au-delà de la beauté physique. D'accord, bah écoute, pourquoi pas en vrai. Oui, c'est beau. Bon, dans le principe, c'est sympa. Non, parce qu'on pense tous, oh, j'aurais tellement aimé avoir sa taille, ses jambes, ses machins, mais ça n'existe pas en fait. Donc arrêtons de courir vers l'impossible. Exactement, c'est mal. Arrêtez de courir. Bon, dans un instant, courir, on va vous rembourser. Faites du sport, quoi. Ouais, c'est ça. On va vous rembourser vos factures dans un petit instant, comme chaque matin sur Fun Radio à 7h10. 8h10 et 9h10. Pour vous inscrire, c'est facile. Vous envoyez un petit message au 6322 par SMS. C'est 1€ le message. Comme là, par exemple, 78,71€ pour Proximus. Qu'est-ce qu'il y a également? 89€ pour les chaussures de salsa. 60€ pour la taxe déchets. 104€ pour la mensualité du gaz. 97€ pour un téléphone rose. J'aime bien le rose en plus. 97€. Ouais, 99€ pour des lunettes pour ma fille. Je vous adore. Merci à toi, en tout cas, pour le message. Réservation de billets d'avion, 210€. Et tous les autres messages au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on vous appelle juste après le son de Niro avec Promises sur Fun Radio. Bonne chance pour les inscriptions aux factures. Et on revient également avec l'horoscope de Loulou. Ce sera dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Bonne matinée. Le son de Niro sur Fun Radio. Tu peux éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, effectivement, on peut voir ça comme ça. 7h10 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Je vais vous annoncer la nouvelle devinette qui colle. Je pense l'avoir déjà faite, mais il y a longtemps. Donc on va voir s'il y a des gens fidèles, bah tant mieux pour eux, ils auront la réponse facilement. Et puis les autres, bah vous chercherez un petit peu. Je commence par un E, je finis par un E, je ne contiens qu'une lettre. Et je contiens une lettre, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, 6322. Il y a un écran plat gagné entre autres, avec peut-être aussi le pack Nintendo Wii, des micro-chaînes Philips ou encore un appareil photo numérique Samsung. Je commence par un E, je finis par un E et je contiens une lettre. Qui suis-je ou que suis-je? La bonne réponse au 6322. Bonne réponse bien sûr qui vous permet de repartir avec des cadeaux. Allez, ce qui vous permet de repartir avec des factures aussi, c'est le jeu des factures bien sûr. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe tous les matins sur Fun Radio. En direct live, nous appelons des gens qui s'inscrivent au 6322 avec le code facture. On se souvient bien évidemment toutes et tous de celui d'hier à la même heure, je pense, hein, qu'on avait appelé et qui m'avait raccroché au nez. Eh oui. Quand je lui ai demandé qui payait ses factures tous les matins, il a pas trouvé ça drôle. Donc il m'a raccroché au nez, ce qui est complètement con, il faut quand même le dire. Ah oui, c'est très con. Bon, on rembourse combien t'offres là? 30€. Ah, c'est une petite facture pour commencer ce matin. Bon. C'est le matin, on commence doucement. Ouais, c'est vrai, oui. Bon, allez, on appelle maintenant à 7h11 quelqu'un. Si il ou elle décroche et qu'elle répond bien à la question, c'est gagné. Et on aura Mika juste après avec elle, me dit. Allô? Allô? Allô? Allô, bonjour? Oui? Oui, bonjour. Je voulais savoir qui payait vos factures le matin? Mickaël, j'ai fait une radio. Il y a une petite hésitation quand même, mais finalement ça a été. Ouais. Bah, il a dû se dire, mais qui c'est ce Google qui m'appelle à cette heure-là? Eh ben c'est gagné. Dans mon bain, en fait. De quoi tu dis? J'étais dans mon bain en fait. J'ai rien compris. Il est dans son bain. Ah, t'es dans ton bain, c'est pour ça qu'on n'entend pas parce que ça résonne. Ok, d'accord. Ah, monsieur 12. Est dans son bain, à la pénard. Cool, hein, à la cool, pépère. Bon, on va te rembourser une facture de 30 euros, ça correspond à quoi? C'est un syllabus en comptabilité. Syllabus en comptabilité. Ah bah super, très bien. En plus, c'était gratuit l'école. Rapport, ouais, tu parles, ouais. Rapport au cours et tout, c'est bien. C'est pas mal, nous avons fait une BA ce matin. Bon, et comment tu t'appelles? Julien. Julien, eh ben écoute Julien, on va te faire un petit virement de 30 euros là pour te payer le petit syllabus en comptabilité. Et puis bah bon bain alors et puis bonne journée hein Julien. Merci bien. Salut, à bientôt Julien, au ciao revoir, à toi. Eh ben les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si à 8h10 vous voulez qu'on vous appelle comme Julien là, vous serez peut-être pas dans votre bain, mais c'est pas très grave. 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On remet le couvert dans moins d'une heure sur Fun Radio. Et restez là, puisque dans un instant, c'est Mika qui arrive sur Fun Radio. Avec Elle me dit. Je vous rappelle la petite devinette aussi, je commence par un E, je finis par un E et je contiens une lettre. Qui suis-je? Ah, je fais le tour du monde aussi très très rapidement. Enfin, ça, ça dépend des grèves, évidemment. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Qu'un concert d'André Rieu. C'est Fun Radio. C'est Fun Radio, 7h14. On va écouter le son de Mika maintenant. Avec Elle me dit. Juste après, ce sera l'horoscope de Doudou. Bonne matinée, bon courage pour ceux qui se lèvent à l'instant. Elle me dit. C'était le son de Mika sur Fun Radio, 7h18 et on passe maintenant à l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. L'horoscope, justement, comme chaque matin, c'est avec l'ami Doudou. Comment ça va ce matin, Doudou, alors, en pleine forme? Oh là là, oui, aujourd'hui, je suis en pleine forme, que tout va bien. Quoi, pas de fatigue, pas d'envie de dormir? Ah non, plus de problème avec tout ça, tout est réglé. Vous avez fait comment? Ah, c'est facile, je me lève pour l'émission et je dors à la radio le reste de la journée. Mais vous faites rien de la journée? Comme avant, mais je perds pas mon temps à venir à la radio. Ah bah oui, bah pour être pas fatigué au bureau, dormez dedans finalement, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée hein. Je suis sûr que ça va intéresser du monde ça, tiens. Mais oui, je le savais. Bon allez, on va commencer par les béliers, Doudou. Alors vous avez de bonnes idées qui auront de bonnes incidences sur votre vie professionnelle. Ah bah c'est une bonne idée ça, tiens, une bonne nouvelle plutôt. Mais oui, c'est une bonne idée, c'est ce que je dis. Bah et les taureaux? Vous courez des risques si vous vous laissez aller à des combats de pouvoir avec vos collègues. Les gémeaux, défendez avec courage votre point de vue, votre travail va porter ses fruits. Les cancers, le signe de Julie, on va voir si c'est encore une fois de la merde ou si ça va. Ça peut être que bon. Oui, je sais pourquoi elle dit ça. Parce que côté financier, de bonnes chances s'offrent à vous. Ah bah voilà. C'est le moment de jouer à l'euro million. Oui, ou de travailler. Ça va, t'inquiète pas, de ce niveau-là, ça va, ça se passe bien. Les lions. C'est ça qu'elle le dit. Ouais, les lions, ouais. Évitez à tout prix les décisions précipitées. Prenez le temps de réfléchir. Les vierges. Parfois, on a besoin de distance pour être heureux. En amour aussi, il faut être tolérant. Les balances. En ce moment, vous avez un bon flair et vous avez du succès. Les scorpions. Des infusions de millepertuis vont vous soulager les nerfs et vous aideront à bien dormir. Si vous savez pas ce que c'est le millepertuis, vous m'appelez, je vais vous aider à retrouver. Bah on imagine bien, effectivement. Je vous infuserai moi-même. C'est ça, les sagittaires. Aujourd'hui en amour, vous allez être positivement surpris. Les capricornes. Laissez-vous aller, vous n'allez pas être déçu. Flirtez sans vous poser de questions aujourd'hui. Très bien, les Verseaux. Même si vous êtes chargé d'énergie, veillez à bien la répartir dans la journée. Et enfin pour finir, les poissons. Les petites preuves d'amour ont aussi leur importance. C'est terminé pour l'horoscope. Merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Bonne nuit alors, jusqu'à dans une heure. Dans un instant, on va parler des ch'tis. Oh, ça fait plaisir, ces petits ch'tis là. Ça c'est cool. Qui parlent tellement bien français, effectivement. D'ailleurs, pas que le français d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, même les mecs de L'Amour est dans le Pré sont fans des ch'tis. Hein. Ah mon Dieu, oui, j'aime bien son. Ah, nom de Dieu. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, 7h20, et on écoute 50 et Justin Timberlake, c'est IO Technology. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. Fun. À la radio. Le son de 50 à l'instant sur Fun Radio, 50 Cent avec Justin Timberlake, c'était IO Technology. Et puis je vous rappelle la petite devinette qui colle pour repartir avec les écrans plats ou les packs Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes à l'intérieur entre autres. Je vous rappelle la petite question, donc je commence par un E, je finis par un E et je contiens une lettre. Qui suis-je? J'avais donné un indice tout à l'heure, hein. Ça peut faire le tour du monde très rapidement, sous réserve qu'il n'y ait pas de grève bien évidemment. On proposait l'été, non pas du tout, j'ai pas dit que je ne contenais qu'une lettre, j'ai dit je contiens une lettre. Ce qui vous oh verrez... là, comment il joue sur les mots. Bah ouais, ouais. Ce qui vous le bah verrez ouais. Quand vous aurez la réponse change évidemment toute la donne. Voilà, si vous avez la bonne réponse, et puis surtout ça ne veut rien dire. On peut faire le tour du monde très rapidement sous réserve de grève, l'été ça ne veut rien dire. Oui. On voit oui, le rapport, vrai, hein. Donc Cathy de Rulle là, ce n'est absolument mais pas l'été. C'est-à-dire qu'on a eu un peu une grève de l'été. Ouais, on a une grève de l'été. Juillet, ouais, donc, ouais, non mais vite fait. Quoi, je peux comprendre la grève, bah, ouais. Les grèves de l'été aussi. Il y a Axel de Mons qui proposait un E. Tu trouves pas ça bizarre que je dise je commence par un E, je finis par un E, je contiens une lettre et la réponse c'est E. Mais plus rien ne nous étonne de toi, Mickaël. Oh, plus rien. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63, 22, on l'utilise pour envoyer. On l'utilisait souvent avant, maintenant avec. Avec internet, c'est devenu un petit peu moins ouais. Fréquent, on va dire ça ouais, comme avec ça. Avec les SMS aussi, c'est ouais. Dommage. On devrait s'en écrire un peu plus. Ah oui, c'est s'en vrai. Envoyer un peu plus. Mais oui, on devrait s'en envoyer un peu plus. Avec des mots d'amour. Oui, des mots d'amour. À l'intérieur. Avec un peu de parfum et des traces de rouge à lèvres pour dire. Oui, quand tu l'ouvres, t'as des petites pétales de rose qui tombent. Génial. Ah, génial, oui. Ça c'est bien Blair, ça tient. C'est bien, bien Blair. Bon, allez, 7h26. Parlons maintenant des ch'tis, puisqu'à la demande générale, ils sont de retour ce matin. Oui, c'est merveilleux. Eh oui, yépa, c'est le retour. Le retour des champions de la langue française, des gardiens du bon usage. Eh oui, les ch'tis à Ibiza, effectivement, oui. Et pour résumer, c'est un groupe de gars du nord de la France qui partent à la recherche d'un job à Ibiza. Mais pendant qu'ils ne cherchent pas, en fait, ils se font des petites blagues, hein, justement, les ch'tis. Écoutez. On a vidé le dentifrice et on a mis un mélange de savon et de mayonnaise à l'intérieur. Ah ouais, c'est génial, hein, donc qu'est-ce qu'on se marre là-bas. Mais oui, attends, hein, et maintenant, on sait pourquoi ils en ont laine de bouc. Bah, c'est ça, hein, et donc, une fois qu'ils ont fait leur van, en fait, ils ont eu peur des représailles, bah forcément. La connerie, elle est faite, maintenant, il faut ranger surtout nos fringues, aller les cacher, parce que s'ils trouvaient nos fringues, on allait se faire pourrir, quoi. On a pris toutes nos affaires, moi, je vois, on les a mis tous dans notre valise, on a été les mettre carrément de la colline derrière la maison. Ah oui, dans oh là là, ils sont pas des choses. Ah oui. Mais oui, c'est là le mieux. Hein. Mettons ça à des kilomètres de chez nous, comme ça on les trouvera pas. Ils vont se faire bouffer par les insectes. Bon, hier je vous avais appris aussi comment demander une coupe de cheveux en anglais. Souvenez-vous, hein, c'était hier. Ah oui, bon. Oui. You baby, you have not day. So you want my hair? I can. Bon, je vais mettre en l'air quoi, toi. Là, je vais mettre en l'air, tu vois. Again, voilà. Je vais mettre en l'air. Et oui. Coupe très à la mode à Ibiza en ce moment. Tout à fait. Et bien aujourd'hui, je vous apprends la traduction du mot warning. Warning, Vincent Jordan. You. Warning, c'est la guerre. C'est abusé, sérieux, c'est écrit partout, sur tous les modes d'emploi, c'est écrit warning. Warning, c'est la guerre. Warning, c'est la guerre. Ouais, mais tu sais, ils ont pas dû lire beaucoup de modes d'emploi non plus. Mais t'imagines, la meuf, elle déballe son micro-ondes à la maison. Oh là là, faut que je retourne au magasin, il faut que je l'échange. Mon micro-ondes, il est en guerre. Voilà, donc pour tous les étudiants qui sont en train de nous écouter et qui auraient éventuellement une interro d'anglais, écoutez bien, ça peut vous servir. Warning, Vincent Jordan. You. Warning, c'est la guerre. Eh oui, ouais, warning, ouais, c'est la guerre. Voilà, mettez ça sur votre petite, sur votre devoir ou votre interro. Je pense qu'on peut bien se marrer. Mm-hmm. Bon, voilà nos ch'tis à Ibiza qui sont toujours en pleine forme, bien évidemment. Et à 7h28, nous allons écouter dans un instant Peter Lutz avec Lynn LaRouge. Ce sera Hands Up sur Fun Radio. On ira faire un tour aussi du côté de l'info. Ce sera avec Julie. Et puis je vous rappellerai la petite énigme qui colle dans un instant pour repartir avec les écrans plats ou les packs Nintendo Wii. Kael, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es appelé la mère de Kael hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. 7h30 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, l'info arrive dans quelques instants. Et puis on fera un petit Mickaël réveil la Belgique aussi, ce sera aux alentours de 8h-20. Donc restez bien là, on remboursera vos factures, ça ce sera pour plus tard. Et puis on vous offre la possibilité de venir également avec nous ce soir au carré à Willowbrook avec la présence de Shaggy et Sarah. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça.

plus coda que de la musique country. Mais oui, d'ailleurs, nous allons transformer la radio, hein, Fun Radio, le son country. Bah oui. Bah oui, dorénavant, je pense qu'on a une très très bonne carte à jouer. Je pense qu'on va faire un carton. On va être numéro 1 sur le secteur. Ah, mais c'est clair. Ah, bah sur le secteur, oui, mais après, numéro 1 tout court, ça me paraît un peu difficile. C'est peut-être mais bon, autre chose. Mais il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Exactement. Déjà, tu mets un premier disque là et on y est. Top dance floor à fond là. Bon, top country, pardon. Ouais. On va rester sur Peter Lutz avec Lynn LaRouge, je l'avais annoncé en plus avec Hands Up. Et on va vous filer aussi vos places pour le parc Astérix maintenant. Bah oui, puisque. Bah voilà, puisque le signal vient de retentir, là c'est parti, 6322, code Astérix avec vos coordonnées. Et on vous file 4 places, peut-être VIP pour le parc Astérix. Bonne chance. Peter Lutz sur Fun Radio l'instant, c'était avec Lynn LaRouge et c'était Hands Up, il est 7h38. Bonne matinée tout le monde, c'est Fun Radio, c'est Mickaël à la radio, on est ensemble jusqu'à 9h30 avec Julie pour les infos, ce sera dans un peu plus de 20 minutes. Et avec Toff également pour un petit appel encore pour faire chier le monde, ce sera par contre ça dans un petit peu moins de 10 minutes. Mais je vous rappelle également la petite devinette qui colle. Attention, écran plat à gagner ou pack pour pack avec la Nintendo Wii, donc la console, les manettes et les jeux, je vais y arriver moi ce matin. Attention, écoutez. C'est bien la devinette qui colle. Je commence par un E, je finis par un E et je contiens une lettre. On dit une lettre, ça peut être autre chose aussi, hein, mais voilà, en général, c'est une lettre, tout simplement. Voilà. Si vous avez une carte aussi, mais en général, on n'a pas besoin de ça pour une carte. C'est vrai, ça peut être une facture également. Enfin, une facture, c'est une lettre, quoi. Oui, c'est vrai. Une méchante lettre, mais une lettre quand même. Donc, je commence par un E, je finis par un E et je contiens une lettre. Qui suis-je ? Je peux faire le tour du monde très rapidement, mais tout dépend évidemment des grévistes. Oui. Voilà, des grévistes de ce métier de fonctionnaire, on peut le dire, malgré tout, qui est comme, somme toute, souvent en grève. Ouais, mais c'est bientôt fini. Mais c'est bientôt fini, effectivement. Bientôt, ils seront tous des vrais salariés. C'est vrai. La bonne réponse au 6322, c'est un euro le message, mais il y a des cadeaux à gagner, donc écran plat ou pack Nintendo. Oui, bonne chance. Et nous avons maintenant Sébastien Loeb, en direct de je ne sais où, mais en direct de quelque part, pour un petit Mickaël réveille la Belgique. Allô, Loeb. Oui, allô, Mickaël. Voilà, je suis en direct de la station de métro Albert, en fait. Ah, d'accord, Albert. Très bien. Donc c'est à Bruxelles, quoi. Pourquoi ? T'es habillé en lapin ? Je suis habillé en lapin avec une veste sur le radio, en plus. D'accord, ok, ouais. Et donc, j'ai le mégaphone bien chargé. Et on va aller foutre bordel, quoi. Eh ben, c'est parti. Je ne vais pas me perdre dans la station, parce que bon, après. Ouais, t'inquiète pas, il y a toujours des endroits où tu peux sortir avec marqué exit, tout ça. T'inquiète pas pour ça. Les gens guideront le lapin, forcément. Ouais, voilà. On est sur l'escalator, on va déjà crier un petit peu. Et tu n'hésiteras pas à l'avenir d'acheter un vrai téléphone, hein. Ouais, mais en fait, parce qu'on va passer le téléphone pour qu'on puisse filmer avec mon iPhone. Donc. Parce que je n'entends rien, on comprend, on devine les mots que tu racontes, alors c'est pour te dire. Mais ouais, plus ou moins. Il crie trop dans son téléphone. Voilà, je pense. Ouais, voilà, c'est juste que ça sature. Ça résonne, donc c'est. Il est tout excité, il est emballé, voilà. Bah, il est en lapin surtout, hein. Ouais, c'est bon, ça. Allez, c'est parti, réveille la station Albert là. Ça résonne bien, hein. Oui, c'est sûr. Oh là là là. Là, je crois qu'il a. On peut dire qu'il a mis le feu. Ah ouais, il a complètement ravagé, ouais. De quoi là ? Ne crie pas. Ah. Je pense qu'il y a des gens qui lui répondent maintenant. Oui. On l'a entendu, mais ils ont peur qu'ils se fassent taper par lapin, donc c'est dangereux quand même. Hein. Bon, très bien. Loeb, c'est bien, c'est parfait. La prochaine fois, il faut que tu filmes en même temps, tiens, comme ça on peut mettre ça après sur le blog. Ah bah c'est parfait. Oui, il est parti avec son petit collègue caméraman. C'est vrai, comme ça vous aurez assuré Mickaël.fm. Bon, reviens Loeb, à tout de suite. Et on cherche toujours une camionnette de glace hein, qui bah, ne marcherait plus forcément, puisque bah. Évidemment, c'est fini les glaces à cette époque-ci. Qui aurait un petit mégaphone aussi, c'est pour la petite musique, sauf qu'on voudrait éventuellement parler dedans, comme ça avec la petite camionnette de glace, on peut faire le tour de la ville pour prévenir les gens en fait, hein, finalement, qu'on est là tous les matins entre 6h et 9h30 sur Fun Radio. Donc si vous avez une petite camionnette de glace et que vous voulez venir faire ça pour nous, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et à 7h42 sur Fun Radio, c'est Avicii qu'on va écouter dans un instant avec Florida, ce sera Levels. On aura aussi la ligne anti-relou et on fera un tour du côté de l'infotrafic dans 3-4 minutes. Restez bien sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. 7h46 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Et c'est parti maintenant avec l'infotrafic. Si vous êtes encore chez vous, restez-y encore un peu, hein. Oui, parce qu'il y a un camion en panne. Pour éviter les emmerdes. Il y a un camion en panne sur le 411 Bruxelles en direction de Namur, Luxembourg, à hauteur de Restaigne. C'est donc en direction du Luxembourg plus précisément. C'est la bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite qui sont obstruées. Prudence, la situation est dangereuse. Et puis concernant la perte de charge... Dangereuse, c'est deux mots séparés. La situation est dangereuse et puis heureuse. Très bien. Et puis concernant la perte de chargement sur le 313 Liège en direction de Anvers, ça y est, la chaussée est libérée. Très bien, c'est bonne nouvelle. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas à venir nous le dire. Ça se passe donc au 63, au 30-44, 50 centimes le message, ou alors sur mon mail, michael@funradio.be. Et on va passer maintenant au meilleur moment de l'émission. En tout cas, certains le pensent, c'est la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et nous allons maintenant donc effectivement passer à la ligne anti-relou, les meilleurs messages qui ont été laissés au 0-473-86-00-13. Alors, vous connaissez le principe, bien évidemment. Non, pas du tout, il ne se passe absolument rien. Je voulais savoir si vous connaissiez le principe, donc je vais le répéter pour ceux qui débarqueraient. Mais non, pas du tout. Quel est le principe de la ligne anti-relou? Un numéro de téléphone à retenir par cœur, les filles, le 0-473-86-00-13. Et numéro à donner, bien évidemment, à tous les relous que vous allez pouvoir croiser dans des bars, en soirée, chez des potes, n'importe où. À la place de donner votre numéro, eh bien, donnez le nôtre. Ce qui fait que, du coup, vous en serez débarrassé définitivement. Et quand il va appeler, il va tomber sur notre répondeur, comme celui-là, par exemple. Allô, c'est moi, c'est Yasmine. C'est pour te dire que je vais manger des frites, de la sauce en dessous et passerelle. Salut. La question c'est qu'est-ce qu'on a à foutre. Mais on l'avait déjà eu, elle avait mangé des chicons la dernière fois. Oui, pourquoi est-ce qu'elle appelle pour dire ce qu'elle a mangé? Voilà. Tu sais, il y a des gens qui mettent ça sur Facebook et puis elle appelle. Voilà, elle téléphone. C'est pas plus con que mettre ça sur Facebook. Appelle-moi au final. Explique-moi ce que tu as mangé. Dans tous les cas, tout le monde s'en fout. D'accord, bon, je t'appelle. Ben oui. Vas-y, appelle-moi. Ah, c'est vrai, t'as mon numéro maintenant. Oui, maintenant elle a le numéro. La galère. C'est ça. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Bonjour, voilà, ça fait plusieurs fois que je t'ai téléphoné. C'est toi qui m'as donné ton numéro de téléphone. C'est pour une rencontre, en fait. Voilà, à bientôt, j'attends tes nouvelles. Et si tu veux pas me rencontrer, tu peux dire que tu ne veux pas, donc je n'hésite pas à te rappeler. Dans le cas contraire, je t'embrasse, à bientôt. Eh oui, donc autant dire qu'on va la voir sur le répondeur pendant un petit bout de temps, puisque forcément elle ne va jamais rappeler, donc ne jamais lui dire qu'il l'appelle, et donc du coup il va continuer à appeler. Ah bah, Julie, je pense qu'il y a un moment où il faudra que tu l'appelles toi pour lui dire d'arrêter d'appeler parce qu'il va nous polluer le message. Bah écoute, oui, je vais y penser. Bon, très bien. Allez, dernier message pour ce matin, pour cette heure-ci en tout cas. Ouais, c'est Audrey, c'est Claudie. Bah écoute, voilà, je t'appelle parce que je voulais prendre de tes nouvelles en somme. Et bon, comme tu m'avais dit qu'il n'y avait moyen, j'aurais bien voulu qu'on tire notre cours ensemble, histoire de faire un peu plaisir, quoi. Enfin bon, voilà, moi j'aimerais bien vite te revoir, donc si tu sais me rappeler, dès que t'as mon message, franchement, ce serait bien gentil de ta part. Allez, gros bisous sur tes petites fesses. D'accord. Bah, allez, bisous. Allez, bisous. D'accord. Quelle horreur. Julie, bon, J'aimerais bien qu'on tire notre petit coup ensemble. Voilà. Bien sûr, toi, pas de problème. Comme ça, va aller quel jour t'arranges. Bah écoute, demain à 9h40. Parfait. Allez, nickel. Allez, je te kisse les fesses. Ouais, oui. Gros bisous sur tes petites fesses. 7h50 sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. Dans moins d'une heure, on remet le couvert avec la ligne anti-relou. On va vous rembourser vos factures aussi. Ça, c'est dans un peu plus de 10 minutes. Un quart d'heure même, juste après les infos en somme. 63-22 en débutant le message par facture. Et puis je vous rappelle la petite devinette qui colle pour repartir avec les écrans plats entre autres. Je commence par un E, je finis par un E et je contiens une lettre. Qui suis-je ou que suis-je? Il faut impérativement pour que ça fonctionne y mettre. Et alors là franchement je vous donne quasiment la réponse, c'est juste que je vois qu'il y en a quelqu'un qui galère. Il faut y apposer quelque chose qui augmente tout le temps, c'est-à-dire un timbre. Oui, et alors quand tu dis une lettre, ça peut être aussi entre les... Enfin, tu vois, dedans, plusieurs lettres aussi, quoi. Ah, le mot contient plusieurs lettres. Oui. Voilà, mais il y a une lettre dans ce qu'on cherche. Voilà, 63-22. Il peut y avoir deux lettres dedans, ou trois. Oui, il peut y avoir deux lettres, oui, mais dans l'absolu. Alors, tu chipotes avec des détails. Mais non, mais parfois, j'ai remarqué ça. Plusieurs, moi, j'ai plusieurs lettres. Bon, 7h51, et la réponse au 63-22, bonne chance, et on écoute comme promis, avant d'aller emmerder le peuple, Avicii et Florida, maintenant sur Fun Radio, c'est Levels. Avicii sur Fun Radio à l'instant, c'était avec Florida, c'était Levels, il est 7h55 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, l'info arrive dans un instant avec Julie, et nous allons encore essayer d'avoir un peu d'argent, taf. Ouais, enfin...

Et à 8h01 sur Fun Radio, les mauvaises nouvelles avec Julie. Salut à tous, c'était un génie de l'informatique, Steve Jobs. C'était éteint cette nuit à l'âge de 56 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Il avait cofondé la société Apple en 1976. iPad, iPhone, c'était lui. En congé maladie depuis janvier dernier, il avait annoncé sa démission de son poste de directeur général le 24 août, cédant les rênes à son numéro 2, Tim Cook. Le président Barack Obama a déclaré que le monde avait perdu un visionnaire. Les fans de Steve Jobs déposent en ce moment des fleurs et des pommes devant les magasins d'Apple. Le fédéral et les régions s'alignent pour sauver Dexia. Le Premier ministre Yves Le Terme a rencontré hier soir les trois ministres présidents des gouvernements régionaux pour discuter de l'avenir de la banque franco-belge. La réunion d'un peu plus d'une heure a porté sur les différents scénarios envisageables. Ceux-ci seront examinés au cours des prochaines heures par des experts. Didier Reynders privilégie un destin similaire à celui de Fortis et qui s'était associé à BNP Paribas. Le ministre des Finances n'est pas favorable à la voie de l'autonomie. Politique, chaque minute qui passe nous rapproche d'une sixième réforme de l'État. Les négociateurs pourraient conclure aujourd'hui l'accord institutionnel en vue de former le futur gouvernement. Il ne reste que quelques points à résoudre après le gros morceau qu'était BHV. Reste donc à peaufiner les textes et régler les derniers détails. Les huit parties se revoient à 10h pour relire les textes et régler les derniers points, principalement la mobilité et le renouveau politique. La Wallonie s'exporte de plus en plus. Les exportations wallonnes ont progressé de 13,3% cette année. C'est ce qui ressort des chiffres de l'AOEX, l'agence wallonne à l'exportation. C'est un record absolu pour le commerce extérieur wallon. C'est la première fois que les ventes wallonnes à l'étranger passent la barre des 21 milliards d'euros lors d'un semestre. Plus de la moitié des vendeurs en ligne ne remboursent pas le montant total des achats non satisfaisants. C'est le résultat d'une étude des centres européens des consommateurs. La directive européenne sur les contrats à distance est claire. Lorsque le consommateur décide de se rétracter, le vendeur est tenu de rembourser la totalité des montants versés, frais d'envoi inclus. L'étude a mis en avant que 90% des achats avaient été remboursés, mais que 57% des cas, le remboursement ne comprenait pas le montant total, les frais d'envoi étant systématiquement déduits. Et puis, 3 Flamands sur 4 sont fiers d'être belges et n'imaginent pas la Flandre devenir indépendante. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien flamand Het Nieuwsblad. 2 Flamands sur 3 pensent que la Belgique existera encore dans 10 ans, tandis que les 30% restants pensent que la Belgique ne sera alors qu'un souvenir que l'on retrouvera dans les manuels d'histoire. Passons à la météo à 8h04 sur Fun Radio. Un front froid affectera notre territoire. Il traversera le pays d'ouest en est et toutes les régions seront arrosées. Le gris restera la couleur dominante du ciel. De 12 à 16 degrés, on nous parle de possibles éclaircies. Cet après-midi, le vent sera soutenu par moments. Demain, temps à peu près pareil. Et Maroon 5 arrive dans un instant sur Fun Radio avec Christina Aguilera. Ce sera Move Like Jagger. Fun Radio. Fun Radio. Et dans un instant, on vous rembourse vos factures également sur Fun Radio. 6322, débutez le message par facture, comme là une facture qui vient d'arriver. 100 euros pour un concert. Oui, cher le concert quand même. Il y avait quoi également? Oui, c'est 102 euros pour le gaz et l'électricité, 96 euros pour la taxe de roulage de la moto, 150 euros pour un abonnement téléphonique. Qu'est-ce qu'il y a également? Facture, mais malheureusement, je n'ai pas la suite du message et c'est bien dommage. Merci de nous lire. 140 euros pour l'eau également. Et qu'est-ce qu'il y a également aussi? 75 euros pour le téléphone. Très bien, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire, on fait ça dans 5 minutes. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et l'info en plus à 8h05, quelle est-elle? Eh bien que la cellulite de Britney est montrée lors d'un cours en primaire. Ça se passe en Grande-Bretagne et les petits élèves de cette école auront désormais un cours leur montrant que quasi toutes les photos représentées dans les pubs sont manipulées informatiquement. Si elle avait imaginé qu'elle serait donnée en cours dans une école. Ah ouais, là, c'est assez énorme. Donc c'est pour prouver aux enfants que ce qu'ils voient dans les pubs, les filles complètement photoshotées, ça n'existe pas. Donc on leur dira encore que la lecture des magazines abaisse l'estime de soi, que ça met leur santé physique et mentale à mal. Alors le cours se compose de 14 diapositives qui montrent des stars, des affiches de concerts, des photos de mannequins parfois en sous-vêtements et qui font des comparaisons. Alors on voit sur une de ces diapos une photo de Britney Spears en maillot de bain à côté d'une autre sur laquelle ses jambes sont beaucoup plus minces et sans cellulite. Ah ouais. Donc c'est pour montrer que ça n'existe pas, les femmes ne sont pas comme dans les magazines. Et ça, ne rêvez pas donc. Hein. Voilà, ne rêvez pas, n'espérez pas avoir des jambes fuselées et sans cellulite, ça n'existe pas. Bah, ça peut arriver, mais disons que c'est rare quoi. C'est très rare. Mais la perfection n'existe pas, donc de toute façon, mais ça si, tu es pas là, possible. Julie. Oui, c'est vrai, merci. Merci, oh Tom. Là là là merci là de le rappeler au monde entier que moi-même, naturellement, je suis photoshootée. Mais oui, voilà, c'est ça, ouais. Bon, 8h07 sur Fun Radio, les factures, on vous les rembourse dans un instant. Le temps d'écouter Maroon 5 avec Christina Aguilera maintenant. Moves Like Jagger sur Fun Radio. Bonne matinée, on est ensemble jusqu'à 9h30 sur Fun Radio. Oh nom de Dieu, oui, j'aime bien ça. Ah nom de Dieu. Maroon 5 sur Fun Radio à l'instant, c'était Moves Like Jagger. Allez! Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça, tous les matins sur Fun Radio, on vous rembourse cash vos factures. 90€ pour un procès par exemple, 99€ pour un abonnement de gym, 110€ pour un PV, 35€ pour la taxe roulage. Voyons, je sais pas avec quoi tu roules, mais. Un vélo peut-être? Je ne sais pas, parce que c'est pas cher, hein, 35€ pour la taxe roulage. Qu'est-il d'autre également qui vient d'arriver? 155€ pour la gardienne de ma fille, 100€ pour un achat de téléphone, c'est Sandrine. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 110€ pour la PV, 35€ pour le toilettage du chien, très bien. On va appeler, on va rembourser combien là, Tof, ce matin là, du coup? 53,55. Pour rembourser quoi, on ne sait pas? Ça, on ne sait pas. 53,55, d'accord. Allez, c'est parti, on appelle. Si cette personne décroche et répond bien à la question que je lui pose, on lui fera un virement aujourd'hui même. Allez, peut-être demain. Ne t'emballe pas. Non, mais c'est rapide les virements. Hein. Ne t'emballe pas. Allez, les virements, c'est rapide. Dès que j'aurai. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous dérange là? Non, non, pas de souci. Ah, très bien. Je veux savoir qui paye vos factures le matin? Fun Radio, bien sûr. Mais bien sûr. Mais évidemment. Évidemment. C'est marrant parce que quand on a le fisc au téléphone, en général. Excusez-moi, j'ai pas le temps. Il est 8h du matin, je vais déposer les fils et les enfants à l'école. Là, vous me rappelez un autre jour, hein, s'il vous plaît. Hein. Et là, étrangement, c'est bizarre, on a le temps là quand même. Hein. Bon, alors, comment tu t'appelles? Grégory. Grégory, en plus je suis le nom du patron, tu vas être content de faire un virement à un autre Grégory, tiens. C'est parfait. Bon, Greg, alors, tu es dans quelle ville? XL, c'est à Bruxelles, 147, donc facile, oui, pour écouter Fun. Et tu t'es inscrit pour qu'on te rembourse une facture de 55€ et des brouettes. C'est pour payer quoi? La mutuelle. La mutuelle, eh ben écoute, il faut bien aussi de temps en temps. Hein. Eh ben 55€ et des brouettes, on va te faire le virement, on va t'expliquer comment ça marche et si on reçoit tout aujourd'hui, tu reçois encore le virement aujourd'hui ou demain? Ok, c'est nickel. Ah bah voilà, je t'en prie, passe une bonne journée Greg. Merci vous aussi. Salut, salut, ciao. Et si, allez, pour l'instant, sans faute, on a bien payé tout à l'heure, ouais, là, on a bien payé maintenant. Eh ben peut-être qu'on va encore bien payer tout à l'heure, on est à quasiment 1800€ de factures remboursées depuis le début de l'émission. Oh là là, c'est pas bon, mal. C'est bon ça. C'est pas mal du tout. Si vous voulez faire comme Greg maintenant, tout à l'heure, dans une heure, on vous rembourse vos factures, 63,22 par SMS, vous. Débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. On remet le couvert dans une heure. Dans un instant, il y aura Doudou aussi avec l'horoscope. Et on va s'écouter le son. Oh, petit sympathique son là, tiens. Jamiroquai maintenant, c'est Cosmic Girl sur Fun Radio. Fun Radio, je suis en train de m'étouffer. J'ai toujours la boule de Berlin que Tof m'a amené tout à l'heure. Ça me fait de l'acidité. Elle était tellement grasse. Je crois que j'ai pris 1000 kilos. Oh, c'est l'effet de l'acidité, ouais. Pochaton. Dis donc. Son de Jamiroquai à l'instant sur Fun Radio. C'était Cosmic Girl et nous allons maintenant passer évidemment à l'horoscope comme chaque matin. Fun Radio. L'horoscope. Et j'aurai dans un petit instant la petite devinette qui colle de ce matin également. Hein. Alors, ça va. Est-ce que vous avez une passion, Doudou? Tiens, je me posais la question là. Ah bah oui, évidemment. C'est moi, sa passion. Ouais. Et c'est quoi? Faire la sieste. Oui, non, mais je sais, mais pourquoi je vous ai posé des questions, je ne sais même pas d'ailleurs. En plus, l'avantage, c'est que j'ai une passion pas chère. Oui, c'est vrai, effectivement. Je sais pas pourquoi je vous ai posé des questions, hein, c'est pas grave. Moi non plus, je sais bon, pas. Bon, allez, c'est toi, tu as envie de poser des questions. Oui, c'est vrai. Allez, tu veux. Hein. Les béliers, Doudou. Alors, les béliers, vous avez des bonnes idées qui auront de bonnes incidences sur votre vie professionnelle. Les taureaux. Vous courez des risques qui vont vous. Qu'est-ce que je dis, moi? Vous avez vu, hein, il faut peut-être dormir un peu plus. Ouais. Peut-être, je vais aller me coucher. Oui, c'est ça. Alors, je disais, donc, les taureaux, vous courez des risques si vous vous laissez aller à des combats de pouvoir avec vos collègues. Les gémeaux. Défendez avec courage votre point de vue. Votre travail portera ses fruits. Les cancers, comme Julie, tiens. Oh oui, côté financier, de bonnes chances s'offrent à vous. Les lions. Évitez à tout prix les décisions précipitées. Les vierges. Parfois, on a besoin de distance pour être heureux. En amour aussi, il faut être tolérant. Les balances. En ce moment, vous avez un bon flair et vous avez du succès. Les scorpions.

quotidien flamand Het Nieuwsblad. Deux Flamands sur trois pensent que la Belgique existera encore dans 10 ans, tandis que les 30% restants pensent que la Belgique ne sera alors qu'un souvenir que l'on retrouvera dans les manuels d'histoire. 8h33 sur Fun, c'est la météo. Un front froid affectera notre territoire. C'est quand t'es malade après le front froid. Oui, c'est plutôt chaud d'ailleurs le front. Oui, c'est vrai aussi. Il traversera le pays d'ouest en est et toutes les régions seront arrosées. Le gris restera la couleur dominante. On nous parle d'éclaircies pour cet après-midi. Le vent sera quand même soutenu. Température de 12 à 16 degrés. Très bien, c'est une manière de conclure. Oui, merci, je vois que tu parles comme les ch'tis à Ibiza. Non, j'essaie de mettre au niveau de tout le monde ici dans cette équipe. J'essaye, je me débrouille. C'est moi qui dépéris en fait de jour en jour. Je ne sais plus parler. Mais quelle histoire. Dans un instant, Lady Gaga avec You and I sur Fun Radio. Mais l'info en plus, c'est maintenant. Fun Radio. Quelle est-elle l'info en plus? Justement, c'est très bien. Tu parles donc de Lady Gaga. Et donc, moi, je voulais vous parler de chansons. Ah, bah, très bien. Et presque toutes les chansons parlent de sexe. Ah, oui. En tout cas, le sexe, ça part à croire que c'est une véritable obsession. Selon une étude récente américaine qui se base sur le top 100 du classement Billboard de l'année 2009, eh bien, la majorité des chansons populaires parlent de sexe. Certains messages se retrouvent régulièrement dans un style bien précis de chanson. Par exemple, les chansons R&B, le message sexuel est souvent très clair. Ah oui, c'est ça. Et les chansons de Sébastien Love également. Oui, tout à fait. Elles sont toujours très très claires. Encore plus claires. Bon, c'est un peu moins clair dans les chansons pop, et par contre, dans la musique country, elle fait, elle, généralement plutôt l'éloge du mariage, de la paternité et de la fidélité dans les relations. Oh. Donc moi, je dis oui à la musique country. Mais oui, bien sûr, vive la musique country sur Fun Radio. Voilà, tout à fait. Mais oui, Fun Radio, le son country, hein, donc profitez-en bien du son dance floor. Dès demain, on change le slogan, oui. Grâce à Julie. Mais voilà. Ah bah, on va bien se marrer, tiens. Allez, Lady Gaga, on écoute ça tout de suite, c'est You and I sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 8h35. C'était le son de Lady Gaga sur Fun Radio à 8h39. Bon réveil. Et je vous rappelle, avant d'appeler quelqu'un qui s'est inscrit pour les places pour le parc Astérix, qu'il y a toujours la petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ou avec le pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Comment appelle-t-on un homme qui a perdu son intelligence? On proposait un eunuque, j'ai dit déjà que c'était pas ça. Un célibataire, il y a de ça, mais il l'a pas choisi normalement, hein, sauf s'il l'a tué. Une femme non plus, un célibataire non, un flic non plus, un Michael. C'est drôle ça, donc. Hein, comme c'est drôle. Ça ferait rire beaucoup de gens en studio. Moi, je n'aurais pas balancé de nom, mais. Bah, écoute, ça aurait bien fait rire Julie s'il n'avait pas la bouche pleine. Morte de rire. Ouais, morte de rire, c'est ça. À quoi? Et si vous avez, vous, la bonne réponse, donc en général, voilà, c'est un homme qui était en couple. Enfin, en couple. Oui. Oui, il est en couple. Voilà, il l'était. Voilà, tout simplement. La bonne réponse au 63-22, bonne chance tout le monde. Nous allons il maintenant était appeler. Particulièrement marié, en fait. Hein. Il était sinon, parti, il ne peut pas être ce qu'on cherche une fois que. Voilà, c'est exactement. Donc, 63-22 pour la bonne réponse. On prendra les réponses d'ici pas trop longtemps. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite au 63-22 avec le code Astérix. C'est parti pour lui filer ses 4 places pour le parc Astérix. Il ira peut-être même en VIP, accompagné de Quentin Mossiman. 4 places pour le parc Astérix, c'est gagné toute la journée sur Fun. Dès que vous entendez les signals, les trompettes, là, faut s'inscrire au 63-22 code Astérix. Alors, ce serait dommage que ça ne décroche pas. Eh ben, ça va pas décrocher, hein. Regarde là, regarde-moi ça. Oh. Je n'ai rien compris à son nom, malheureusement. Ah non. Geneviève. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Pour terminer l'appel, raccrochez ou appuyez sur l'étoile pour enregistrer votre message. Geneviève! Tu viens de passer à côté de tes 4 places pour le parc Astérix, Geneviève. Oh, eh oui, zut, c'est dommage. Geneviève. Bon, c'était Fun Radio, tu l'avais deviné, hein. Malheureusement, on t'a appelé. Enfin, malheureusement ou heureusement, faut voir. Pour t'offrir tes 4 places pour le parc Astérix, et malheureusement, tu n'as pas décroché, c'est bien malheureux. Ce qui fait que tu ne les gagnes pas, et ça, c'est encore plus malheureux. Mais par contre, tous les auditeurs qui écoutent Fun en ce moment même sont en train de te remercier puisque. Eh bien, vous pouvez vous inscrire du nouveau pour le coup. Hein. On va refaire un tirage au sort d'ici 20 minutes, une demi-heure grand max. 63-22, code Astérix, avec vos coordonnées complètes. Et on appelle quelqu'un dans moins d'une demi-heure pour lui filer les places pour le parc Astérix. Bonne chance et merci pour eux, Geneviève. Bon, 8h41, dans un instant, la dernière ligne droite pour la ligne anti-relou. Côté infotrafic, on en reparle aussi. Et on va écouter Bad Meets Evil et Bruno Mars. Dans un instant, ce sera Lighter sur Fun Radio. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio, il est 8h46 et l'info trafic maintenant, il se passe quoi sur les routes, Julie ? Accident sur le ring de Gand à hauteur de Melle en direction de l'E40. Véhicule en panne sur la 12 Anvers en direction de Bruxelles à hauteur de Hartzellar, bande de droite qui est obstruée. Accident sur le 313 Anvers en direction de Hasselt à hauteur de Hill West. Le passage est difficile. Et puis objet encombrant sur la 15 Mons en direction de Liège à hauteur de Sambreville. Donc c'est plutôt l'E40, on la connaît plutôt sous ce nom-là. C'est en direction donc de Liège. La situation est dangereuse, c'est un panneau de signalisation de chantier qui est sur la chaussée. Très bien. Bon, et eh ben si vous êtes témoin d'un problème, là aussi, vous nous le signalez. 3044 par SMS. Et voilà, vous nous dites simplement ce qui se passe. Problème, accident ou même un flash. N'hésitez pas, vous nous dites tout ça. Ou pareil sur le mail mikl@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et tous les matins, c'est la ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou spécialement faite pour vous les filles. Et un peu pour les mecs aussi d'ailleurs, mais surtout contre les relous bien évidemment. Merci Fun. Mais Radio. C'est surtout contre les relous, les contre les relous bien sûr. Ça se passe chaque matin à 7h-, 8h-, et 9h-, les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, eh bien on va écouter les messages maintenant, c'est parti. Bonjour Nathalie, ici c'est Cédric, le collègue de Audrey. Pour te faire un petit coucou, savoir si vous pouvez un soir se voir pour aller manger à bout. Parce que je t'apprécie, merci, au revoir. Bon, il avait pas l'air très relou, il a une voix un peu pourrie, mais sinon il avait pas l'air très relou. Ouais, non, enfin, ça va il a, encore. Il a quand même ça une va. Bonne voix de geek. Hein. Ouais, il a. Ouais, c'est quoi une voix de geek? C'est une voix comme ça. Ah, ouais, vite fait. Non, mais c'est bon, comme. Bonjour Nathalie, ici c'est Cédric. Le collègue de Audrey. Non, ça va encore. Allez, non, message. Ça va, bon, voilà. Message suivant. Attends, et même Julie, elle aurait craqué dessus. Bah. Allô, c'est moi, c'est Yacine. C'est pour te dire que je vais manger des frites de sauce en dessous et ta soeur, là. Salut. Voilà, donc elle va manger des frites et on s'en fout de sa vie, hein, donc je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'elle nous donne cette information-là. C'est pas la première fois qu'elle nous appelle pour, qu'elle appelle la ligne anti-relou pour donner son menu du jour. C'est donc ça. C'est assez inquiétant. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais vous appeler chaque fois avant de manger pour vous dire ce que je mange. Bah oui, c'est génial. J'aimerais bien. Oui, quelle bonne je nouvelle. Pas te demander. Bon, et le dernier message de ce matin. Bonjour. Voilà, ça fait plusieurs fois que je t'ai téléphoné. C'est toi qui m'as donné ton numéro de téléphone. C'est pour une rencontre, en fait. Voilà. À bientôt, j'attends tes nouvelles. Et tu ne veux pas me rencontrer, tu peux me dire que tu ne veux pas, donc je n'insiste pas à te rappeler. Dans le cas contraire, je vais faire. Voilà, je t'embrasse, à bientôt. Et ben voilà, donc mais ça veut dire bien que qu'ils comprennent tout seul quand même. Ouais, parce que pour le coup quand même le mec il dit quand même bon ben voilà, écoute, tu décroches pas mais bon je t'appelle si jamais tu veux plus que je t'appelle, dis-le-moi mais dans le cas contraire ben je continuerai à t'appeler. Donc il va nous pourrir il va nous pourrir le répondeur jusqu'à pendant 10 ans quoi. Ouais, probablement ouais. Oh, c'est une super bonne nouvelle. C'est le genre de mec qui est capable d'appeler les flics en disant j'arrive pas à la joindre, il faut la retrouver. Oui, c'est ah, ça, ouais, peut-être été enlevé hein, qui sait mais vous la connaissez bien mais oui, c'est ma femme. Ah bon, d'accord, OK. 8h50 sur Fun Radio. Bonne matinée, je vous rappelle la petite devinette qui colle avant de faire encore chier un peu le peuple. La petite devinette qui colle de ce matin. Comment appelle-t-on un homme qui a perdu son intelligence? Il a divorcé. Non, pas du tout. Hein. C'est effectivement une séparation, mais il n'a pas eu le choix. Non. Voilà, une séparation forcée. C'est une séparation triste et oui, forcée. C'est exactement ça. Un homme divorcé, c'est pas ça. Un homme marié, non. Bah, il ne l'est plus, en l'occurrence. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, écran plat à gagner ou pack Nintendo. Oui, bonne chance. Et on va s'écouter le son de Britney Spears maintenant. C'est le nouveau son de Britney qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio à 8h50. C'est Criminal. 8h54 sur Fun Radio, c'était Britney Spears à l'instant avec Criminal. Tous les matins, nous sommes en direct sur Fun Radio jusqu'à 9h30 évidemment. À 9h30, ce sera Lucas qui prendra la place pour le self chaque matin. Entre 9h30 et 13h, vous faites la prog avec lui en toute simplicité. Bon, Alors, on va appeler les gens encore pour les emmerder, hein, puisque Toff a découvert un nouveau matériel qui déchire, hein, faut dire ça comme ça, évidemment. Ah, hein, puisque, bah, oui. Ouais, si ça marche aux États-Unis, pourquoi ça marcherait pas ici? Bah voilà, donc Toff a vu une vidéo sur internet d'un mendiant qui accepte les cartes de banque grâce à un boîtier qui se branche sur un GSM. Attends, un mendiant très moderne. Ah oui, très moderne. C'est fort comme truc quand même, c'est-à-dire que c'est le mec qui a fait Twitter qui a inventé ça aussi. Ouais, bah, évidemment, bon, maintenant les gens n'auront plus de monnaie, ils ne pourront pas dire j'ai pas de monnaie, j'ai oublié ma carte, etc. etc. quoi. Ouais, c'est ça, ils pourront plus le faire là. C'est ah ouais, non, fini. Bah là c'est fini, là, ouais, c'est terminé. Bon, bah du coup, on a appelé tout à l'heure, on a appelé à Ornu. On ouais. a appelé à Jumet. Ouais. Et ça parlait pas très français hein, là-bas. Et ça parlait pas très français, c'est faut vrai. Donc... à la barre de Weaver, je crois qu'il bah, a... Non, non, certainement pas. Mais je pense surtout que c'était une sorte de. Tu vois, c'est une tactique pour faire genre, je coupe l'en passe, quand on dit. Et puis voilà. Peut-être, peut-être. Bon, on va aller à Saint-Nicolas maintenant. Ah oui. Bah, avec oui. un peu de chance, Saint-Nicolas. Si à Saint-Nicolas on me donne pas, je vois pas où on peut me donner. Ah non, mais c'est raison. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Très bien. Un pronostic, Julie? Bah, tu sais bien. Non? Réussite totale. Ah, oh, quand même. Puis il y aura Kate de Luna aussi, on paiera vos factures. Alors quoi? Alors rien. Ah. Allô? Oui, bonjour, madame. Permettez-moi de m'excuser de vous déranger en cette heure si matinale. Qui est? Oui, bonjour. Voilà, je me présente, je m'appelle Toff. Je suis actuellement dans le besoin, et donc j'aurais souhaité savoir si vous auriez pu m'avancer 5 euros. Pourquoi ? Car malheureusement, il se fait que la vie m'a ne me permet plus aujourd'hui de vivre décemment et donc je suis obligé un petit peu de quémander de l'argent et c'est pourquoi je vous appelle ce matin. Ah non, on n'a pas d'argent, moi. D'accord, mais peut-être vous avez une carte bancaire que je pourrais utiliser car aujourd'hui j'ai un terminal qui me permet de vous prendre non, de l'argent. Non, à la nuit, il va venir les gens, non. Très bien. Non mais Toff, tu le fais exprès comment... C'est pas possible, c'est que des gens qui parlent pas français. Mais je crois qu'ils ont tous la même tactique en fait. Ouais, je crois, ouais. C'est non, incroyable. Ou alors on est tombé sur un vivier, je ne sais pas. Non, on appelle dans trois villes différentes, Jumet, Ornu et Saint-Nicolas, quoi. Ouais. Bon, on va le rappeler. Ouais, allez, c'est parti, on rappelle le même, là. C'est un truc de dingue. C'est des TI avec... Enfin, quand même pas nouveau de mettre deux heures à décrocher, quand même. Quand même pas abusé. Sans déconner. Bah, elle est partie se rendormir. Hein. Oui, ça c'est possible aussi, effectivement. Oui. Attends, Oui, bonjour monsieur. Voilà, écoutez, je me permets de vous rappeler car j'étais en communication avec votre dame, nous avons été coupés. Comme dites-vous, tout doucement, parlez-moi pour français, tout doucement, lentement. Hein. Aïe. Oui. Que vous voulez. Je voulais 5 euros. Pourquoi faire? J'étais au casse-pied. Qui c'est que votre nom, le numéro de téléphone que vous téléphonez? Où est-ce que vous téléphonez? Alors, je vous appelle d'une cabine. De la cabine, téléphonez. Oui, pourquoi vous me téléphonez même dans la rue? Parce que j'ai besoin de 5 euros. Non, on n'a pas besoin. Pour téléphoner ici. Qui les veut donner le numéro de téléphone? C'était nous ici. J'étais téléphoné aussi encore. Oui, je vous... Mais qui est votre nom? Je m'appelle Toff. Bof. Voilà. Et bof. Et va se courir à la radio alors. Ça va? Je n'ai pas compris. Je ne parle pas italien. Non. J'étais suivi. Si on ne t'accroche pas et qui téléphone encore une fois, je téléphone à la gendarmerie. Ça va? Et c'est tout. Oui. Mais il n'y a. Il n'y a plus de gendarmerie. Non, on n'a plus de gendarmerie. Il va faire un couloir. Ah excellent, mais comment ben voilà. C'est énorme. Voilà. Bon, bah très bien, mais on est tombé sur personne qui parlait français correctement, hein. C'est quand même dommage. Fanculo, ouais, c'est ça, fanculo. Tu te sa gueule au moment de la gendarmerie, je pense qu'il n'a pas apprécié. Non, ouais. Pas beaucoup. Ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Oui, en même temps, il faut bien lui dire à un moment qu'il n'y a plus de gendarmerie. Oui, non, bien sûr, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, allez, on va enchaîner maintenant avec la réponse à la devinette qui colle. Et quitte avec nous, bonjour. Alors c'est oui, Benjamin, bonjour. 21 ans de Paperster. Ok Benjamin, comment vas-tu? Ah ça va. Bon bah tant mieux, bienvenue à toi Benji. Alors tu as la réponse à la devinette qui colle, je vais donc la répéter une dernière fois. Alors, comment appelle-t-on un homme qui a perdu son intelligence? Oui, c'est un veuf, en toute simplicité évidemment. Bah bravo à toi. Bonne réponse Benjamin, tu vas rester au standard, on prend tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau rapidement. Ben ça va, ok, merci. Mais je t'en prie, passe une bonne journée, Benjamin, à bientôt. Merci également. Salut, salut, ciao. Et restez là, puisque dans un instant, c'est Kate de Luna qui arrive, Drop It Low. Et pour la dernière fois ce matin, on va payer vos factures en espérant que ça décroche, puisqu'on a eu un sans faux ce matin à 7h10, ça a décroché, 8h10, ça a décroché, j'espère que 9h10 également. 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Il est 9h01 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous arrivez. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. On vous rembourse les factures également dans quelques instants. Et on se fait l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, le monde a perdu un visionnaire. Ce sont les mots du président américain Barack Obama. Steve Jobs s'est éteint cette nuit à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer du pancréas. Il avait confondu la société Apple. Co-fondé la société Apple en 1900. Il avait confondu avec Microsoft, il se souvient. Il a co-fondé la société Apple en 1976. En congé maladie depuis janvier dernier, il avait annoncé sa démission de son poste de directeur général le 24 août, cédant les rênes à son numéro 2, Tim Cook. Les fans de Steve Jobs déposent en ce moment des fleurs et des pommes devant les magasins Apple. Le fédéral et les régions s'alignent pour sauver Dexia. Le premier ministre Yves Le Terme a rencontré hier soir les trois ministres présidents des gouvernements régionaux pour discuter de l'avenir de la banque franco-belge. La réunion d'un peu plus d'une heure a porté sur les différents scénarios envisageables. Ceux-ci seront examinés au cours des prochaines heures par des experts. Didier Reynders privilégie un destin similaire à celui de Fortis, qui s'est associé à BNP Paribas. Le ministre des Finances n'est pas favorable à la voie de l'autonomie. Politique, chaque minute qui passe nous rapproche un peu plus d'une sixième réforme de l'État. Les négociateurs pourraient en conclure aujourd'hui l'accord institutionnel en vue de former le futur gouvernement. Il ne reste que quelques points à résoudre après le gros morceau qu'était BHV. Les huit partis se revoient à 10h pour relire les textes et régler les derniers points, principalement la mobilité et le renouveau politique. Le président du MR, Charles Michel, propose d'augmenter la part du revenu exempté d'impôt. Cela veut dire qu'on pourrait toucher 500 euros net en plus par an. La mesure vise à accentuer la différence avec les allocations de chômage. Outre l'augmentation du salaire proche, le président du MR, propose notamment une baisse de charges pour les petits patrons liés donc à l'embauche et un relèvement rapide de l'âge des prépensions conventionnelles à 62 ans. Acheter un ticket dans le train coûtera deux fois plus cher en 2012. Les accompagnateurs de train ne devront plus tenir compte des excuses des navetteurs qui embarquent sans ticket. Ils paieront alors à chaque fois un supplément de 7 euros s'ils veulent acheter leur billet dans le train. À l'heure actuelle, un navetteur peut embarquer sans frais supplémentaires depuis une station dépourvue de personnel. Et dans une gare avec un guichet, le voyageur paye 3 euros de supplément. Le nouveau règlement prévoit donc que dans les deux cas, les tarifs actuels soient plus que doublés. Il est 9h04 sur Fun Radio, la météo. Un front froid affectera notre territoire. Il traversera le pays d'ouest en est et toutes les régions seront arrosées. Le gris restera la couleur dominante du ciel et le vent sera par moments soutenu de 12 à 16 degrés. Très bien, bonne nouvelle. Tiens, 9h04 sur Fun Radio, dans un petit instant, on vous rembourse vos factures. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Ce sera dans moins de 5 minutes. Et avant cela, il y aura bien évidemment l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Et la dernière info maintenant, la dernière info en plus de la journée, c'est laquelle, Julie ? Eh bien, la cellulite de Britney est dorénavant montrée lors des cours de primaire en Grande-Bretagne. Mais non, oui, qu'on le sache que c'est une grosse. Pas pour faire peur aux enfants, mais pour prouver aux enfants que les photos que l'on voit dans les magazines, les pubs, même les affiches de films pour au cinéma, eh bien, ce n'est pas la réalité. Toutes ces photos mais sont oui, retouchées informatiquement. Et donc, on va leur expliquer à ces petits loups que ça abaisse l'estime de soi, que ça met leur santé physique et mentale à mal de lire ces magazines avec toutes ces photos photoshootées et de croire que c'est la réalité parce que ce ne l'est pas. Alors le cours se compose de 14 diapositives qui montrent des stars, comme je le disais, des affiches de concerts, des photos de mannequins, parfois même en sous-vêtements, et ils font des comparaisons par exemple, et c'est véridique, on leur montre une photo de Britney en maillot de bain à côté d'une autre sur laquelle ses jambes sont beaucoup plus minces et sans cellulite. Donc on leur montre que ça n'est pas la réalité. Ouais, la réalité, ça. Dans la vraie vie, cellulite. Dans les magazines, pas cellulite. De cellulite. Voilà, et ça, c'est pas possible. Bah, ça peut arriver, mais c'est rare. Hein. Donc voilà, donc c'est ce qu'on montre maintenant aux élèves d'une école de primaire en Grande-Bretagne. Très bien. Bon, 9h06 sur Fun Radio. Après, on va s'étonner que les petits, psychologiquement, ça va pas. Mais c'est normal si tu les effraies avec ça. Ah ouais, c'est ça, si tu leur fais peur directement. C'est bien, et en même temps, c'est une bonne initiative, mais en même temps, peut-être que ça peut les traumatiser. Ouais, ça part d'un bon sentiment. 9h06 sur Fun Radio, dans un petit instant, nous allons écouter Jason Derulo, ça sera tout à l'heure. On va également vous rembourser vos factures, je vais y arriver moi. 6322, code facture, si vous voulez qu'on vous rembourse ces factures. C'est juste après Kate Delona et Fatman Scoop maintenant. On écoute ça de suite, c'est Drop It Low sur Fun Radio. Kate Delona sur Fun Radio à l'instant avec Fatman Scoop, Drop It Low. Et attention, dans un instant, on appellera quelqu'un pour le parc Astérix. Et nous appellerons également pour les factures. Ah ben je dis, on va appeler. Bon, on va appeler tout de suite, allez, c'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. 7h10, 8h10 et 9h10. Pour l'instant, nous avons fait un sans faute. Ça a gagné à chaque fois à 7h10 et à 8h10. Ça a marché. Espérons que maintenant, ça marche également. Vous vous êtes inscrit en masse ce matin au 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On appelle maintenant pour rembourser combien, Tof, ce matin? 54,62. 54,62. Très bien. Allez hop, c'est parti, on appelle. Si cette personne décroche et qu'elle répond bien à la question que je lui pose, c'est gagné. Question relativement simple aussi, il faut le dire. Hein. Ouais. Bah oui, quand même. Bon, et il y aura Jason Derulo aussi dans un instant avec le nouvel album de Jason Derulo que j'aurai à vous offrir. Allô, allô, bonjour. Oui, allô. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Je veux savoir qui paye vos factures le matin. Fun Radio. Mais oui, c'est Fun Radio. 3 sur 3 ce matin. Ouh là là, pas mal. Oh, mais c'est un truc de ouf, c'est pas possible. C'est la première fois que je le fais, je ne gagne jamais à rien. Eh bah, t'as vu un peu. Voilà, hein. Et puis il y en a qui sont bien en galère parce qu'ils sont inscrits 100 fois déjà et qui toujours pas. Et qui t'entendent dire que c'est la première fois. L'hôtel arrive. Ah, je me suis inscrit, mais j'ai gagné directement. Bah, voilà. Ah, voilà, voilà, rien de plus compliqué que ça. Bah, c'est pas mal. Hein. Tu sais, c'est comme les mecs qui jouent à l'Euromillion toutes les semaines et qui gagnent pas. C'est ça. Et la meuf qui avait pas envie de jouer qui gagne 25 millions. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Comment tu t'appelles? Nadine, très bien Nadine. Eh ben écoute, on va te rembourser 55 euros si mes souvenirs sont bons, un truc comme ça. C'est pour rembourser quoi? C'est pour rembourser des frais d'hôpital pour ma fille. D'accord. Elle a fait une commotion en partant en vacances. Ah, et voilà. Allez. D'accord. Eh ben oui, écoute. Merde. Eh ben pas de problème, on va te rembourser ça sans problème, avec plaisir. C'est pas bien de battre ses enfants. Oh, ouais, c'est mal. C'est super, c'est génial. Merci. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci à toi Nadine, gros bisous. Gros bisous, merci. À bientôt. Quelle bonne journée ce matin, tiens. C'est passé dans tous les cas, ça a marché. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Oh, c'est beau. Nous avons été forts ce matin. On remettra le couvert dès demain à partir de 6h. 6322, code facture pour vous inscrire. Vous pouvez le faire dès maintenant. Et dans un instant, on va écouter Jason Derulo avec le nouvel album qui sortira dès demain avec notamment ce tube-là. Hein. C'est Future History et on vous le file maintenant en envoyant Future par SMS au 6322. Bonne chance. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio avec le nouvel album de Jason qui va sortir demain. Il s'appelle Future History. Et si vous envoyez Future maintenant par SMS au 6322, c'est 1€ le message. On vous filera justement ce dernier album. Tiens, un petit message de Rita qui dit bonjour, je me demandais si c'est normal. J'ai pas reçu le montant de la facture que j'ai joué il y a plus de 15 jours. Non, alors normalement c'est pas normal. C'est que soit tu nous as pas envoyé ta facture comme il fallait le faire, bah soit renvoie-la nous, c'est peut-être une erreur, mais normalement tout le monde a été payé en théorie. Donc bah tu nous envoies un petit mail Rita, hein, Mickaël à Fun Radio. Oui, ou sinon il y a le monsieur qui s'occupe des factures qui m'a dit que parfois il devait envoyer 15 mails pour que les gens. Ah, pour avoir des réponses, ou il y en a qui répondent pas aussi. Donc après, si vous voulez pas gagner, tant pis. Hein, voilà. Y a pas de, nous on n'est pas contraire, hein, y a pas de soucis à ce niveau-là. Hein. Est-ce qu'on peut récupérer l'argent qui n'est pas renvoyé chez les gens? C'est déjà fait ça par contre. Hein, mais... Ah voilà, je t'ai passé le coup. Non, bah, c'est ça. Une fois de plus, tu n'étais pas au courant. C'est ça le problème. Hein. Voilà, c'est... Voilà, jamais rien. Non, je ne me dis jamais rien, effectivement. Mais tant pis, je pense que je suis comme ça exclu. Tu te sens pas un peu exclu justement ce que j'ai dit? Si, justement, je me sens exclu. Moi je suis journaliste, c'est pour ça. C'est ça, moi je suis un cran dessus. Donc du coup, voilà, je suis exclu. Un peu comme le meilleur de la classe, tu vois. Ouais. Non, mais tant pis, c'est pas grave. Mais un petit peu alors. Bon, allez, passons à l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Avec Doudou. Doudou, vous regardez la télé, là? Bah oui, pourquoi vous m'avez demandé ça? Pour savoir ce que vous aimez regarder là. Comme les deux écrans sont allumés là, c'est pour savoir ce que vous aimez regarder en général. Je sais pas, vous savez. Généralement, moi je m'endors toujours pendant les pubs. Tiens, ça m'aurait étonné, tiens. Bon, bah, faites un effort pour ne pas vous endormir pendant l'horoscope quand même, hein. Il n'y a pas de pub normalement, donc ça devrait aller. Normalement, quand je parle, ça va, je m'endors pas. C'est déjà ça. Oui, ça m'est jamais arrivé. Bon, commençons par les béliers. Alors, vous avez de bonnes idées qui auront des bonnes incidences sur votre vie professionnelle. Cool. Les taureaux. Vous courez des risques si vous vous laissez aller à des combats de pouvoir avec vos collègues. Les gémeaux. Défendez avec courage votre point de vue. Votre travail va porter ses fruits. Les cancers. Côté financier, de bonnes chances s'offrent à vous. Les lions. Évitez à tout prix les décisions précipitées. Les vierges. Parfois, on a besoin de distance pour être heureux. En amour aussi, il faut savoir être tolérant. Ah oui. Les balances. En ce moment, vous avez un bon flair et vous avez du succès. Les scorpions. Des infusions de millepertuis vont vous soulager les nerfs et vous aideront à bien dormir ce soir. Si vous savez pas comment on fait, vous m'appelez, je vous explique. Oui, je suis imaginé. Les sagittaires. Aujourd'hui, en amour, vous allez être positivement surpris. Les capricornes. Laissez-vous aller, vous n'allez pas être déçus. Sans vous poser de questions. Les Verseaux. Même si vous êtes chargé d'énergie, veillez à bien la répartir dans la journée. Et enfin, pour terminer, les Poissons. Les petites preuves d'amour ont tout autant leur importance. Très bien. Eh ben merci Doudou, on vous retrouve demain. Bonne nuit. Hein. Mais oui. Oh là là, je vais me coucher là. Ah, très bien. Et on va parler des ch'tis dans un instant sur Fun Radio. Et les ch'tis à Ibiza, bien sûr. Et puis on va aussi vous appeler là pour vous filer vos places pour le parc Astérix. 4 places à gagner depuis ce matin. Mickaël à la radio. Salut, c'est Max. Tous les matins, j'écoute cet enculé de Mickaël à la radio. C'est bon, mais quel enculé celui-là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Matin Heads à l'instant sur Fun Radio. Trust You Again, il est 9h23. Ce soir, il y aura Sarah et Shaggy. Pour ceux qui ne voient pas ce qui c'est eux. C'est eux, c'est eux. Son que vous aviez découvert sur Fun Radio au mois de mai. C'est pour vous dire sa date, hein. Sarah et Shaggy avec Champagne. Et ils seront ce soir au Carré à Willowbrook. Donc si vous voulez gagner vos places, eh bien vous êtes les bienvenus. Inscrivez-vous maintenant. Et on a pas mal de places, hein. Donc il y a de la place, vous inquiétez pas. 63-22, débutez votre message par Shaggy avec vos coordonnées complètes. Et on vous rappelle, on a des places normales à vous filer pour assister au show, puisqu'ils vont chanter sur place et tout. Ou alors on a des places VIP également à vous filer avec le meet and greet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer Shaggy et surtout la belle blonde qui est à ses côtés. Voilà, je vous dis ça, si jamais vous ne voyez pas à quoi elle ressemble, allez sur YouTube, tapez Sarah et Shaggy avec Champagne et vous verrez que rien que pour ça, ça vaut le détour. Elle n'a rien à envier à Pamela Anderson. Ah, je te confirme. Mais je te confirme. À côté de Julie, bon, elle est un peu moche, d'accord. Donc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est faux. Tu mens donc tellement bien. Ouais, je te remercie. 63-22. C'est pas tout à fait le même style. Hein. Non, bah ça c'est sûr. Hein. Déjà, elle est blonde. 63-22, débutez le message par Shaggy. Bonne chance tout le monde. Et nous allons maintenant parler, évidemment, puisque vous avez été nombreux à nous les demander, à demander le retour ce matin des... Des ch'tis, évidemment. Retour des champions de la langue française, oui, les gardiens du bon usage, les... Et ch'tis à Ibiza, voilà, c'est ça. Et donc, pour résumer, c'est un groupe de gars du nord de la France qui partent à la recherche d'un job à Ibiza. Mais pendant qu'ils ne cherchent, pendant qu'ils le cherchent, justement, ils se font des petites blagues, les ch'tis, justement. On a vidé le dentifrice et on a mis un mélange de savon et de mayonnaise à l'intérieur. Voilà, c'est drôle, hein, donc. Ben voilà, maintenant, ça vient, hein, cette petite haleine de bouc. Ben voilà, on se marre bien là-bas, justement. Hein. Et donc, du coup, forcément, une fois qu'ils ont fait leur van, ils ont peur des représailles des filles. La connerie, elle est faite. Maintenant, il faut ranger surtout nos fringues, aller les cacher, parce que s'ils trouvaient nos fringues, on allait se faire pourrir, quoi. On a pris toutes nos affaires, moi, je vois, on les a mis tous dans notre valise. On a été les mettre carrément au haut de la colline, derrière la maison. Voilà, et donc, ils ont été dans une colline. Hein. Ouais, parce que c'est là qu'on voit, c'est que les ch'tis, ils sont super malins. Ils se disent, waouh, on va cacher nos fringues, on va les mettre sur la colline, là-bas, très loin, quoi. On ne pourra pas les remettre après quand on sera dans la maison. Ah, c'est-à-dire que même eux, ils vont les perdre, les fringues. Ils sont loin, ils sont loin. Et hier, je vous avais appris comment demander une coupe de cheveux en anglais quand vous allez chez le coiffeur. Bah, chez eux, ils demandent comme ça. For you, baby. You have not gay. They want my hair. I can. Je vais mettre en l'air, quoi, tu vois. Ah, mais voilà. Mais comme ça, c'est clair, tu vois. Pourquoi se prendre la tête avec des mots en anglais si on peut les dire en français? C'est ça. Again, je vais les mettre en l'air. Je vais les mettre en l'air, again, tu vas voir. Bon, et aujourd'hui, je vous apprends la traduction du mot warning. Alors écoutez bien, enfin, c'est pas moi qui vous l'apprends, c'est les ch'tis Ibiza. Warning, Vincent Jordan. You. Warning, c'est la guerre. Eh oui, warning, c'est la guerre. Oui, c'est bien connu, warning, c'est la guerre. Ouais, c'est pour ça que sur les papiers, tu vois, il est marqué en grand warning. Ouais. Ça veut dire attention, guerre, guerre à prévoir. Tout à fait, warning, c'est la guerre. T'imagines, la meuf, elle déballe son micro-ondes, elle croit qu'il est en guerre. Ouais, c'est ça. Ah oui, bah bien sûr. Warning, c'est la guerre. Enfin, cela dit, ils ont pas dû lire beaucoup de modes d'emploi. Bon, enfin bon. Non, c'est pas faux, mais quand même. C'est pour aider encore une fois. Hein. Bon, voilà, c'était les ch'tis à Ibiza. Hein. Comme ça, c'est plié. 9h26 sur Fun Radio, nous allons appeler maintenant le gagnant ou la gagnante là pour le parc Astérix. Mais allons-y. Mais allons-y, allez, bah c'est plié comme ça. Saison. Voilà, enfin allons-y quoi. Voilà, bah c'est ça, c'est encore plus facile. Dans un instant, il y aura aussi Lucas, évidemment, avec le self à partir de 9h30 jusqu'à 13h. Jasmine ensuite. Il y aura bien entendu notre ami Evan et toute la tribu avec Noémie, entre autres, bien évidemment. Et puis ce soir, c'est Leslie qui. Non, c'est hier, ce con. Bah, ce soir, il n'y a personne. Ce soir, c'est en mode à la cool. Mode à la cool. Qu'est-ce que tu voulais annoncer là en fait Non, ce soir, c'est Leslie. C'était hier en réel 100. C'est moi qui ai fait des fautes dans mon petit texte. En fait, fais que de la merde aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dire à tout le monde, mais en fait, tu ne fais que des fautes. Non, mais c'est ça, je n'ai fait que de la merde. Allô ? Que de la merde. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio. Ouais, super, c'est cool. C'est cool. Comment vas-tu ? Oui, très bien. Comment t'appelles-tu ? Nancy. Nancy, t'es dans quelle ville, Nancy ? Bouffiou. Bouffiou, d'accord, ok, très bien. Comme c'est sexy comme mais oui, c'est très sexy, Bouffiou. Tu ne connais pas Bouffiou ? Ah non, non, non, non, non. Bouffiou. En fait. D'accord, bah 103.5 pour écouter Fun à Bouffiou alors. Et on t'appelle pour te filer tes places pour le parc Astérix. 4 places rien pour toi. Ben, génial. Ben, bah, un grand merci à la personne qui n'a pas décroché tout à l'heure. Bah, hein. T'as vu, hein. Exactement, ouais. Bon, eh ben, écoute, bravo à toi, je te fais des gros bisous merci, et puis bah, amuse-toi bien au parc Astérix. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. À bientôt. Salut, salut. Bon, bah voilà, nous on a fini notre journée là. Ça y est, enfin. En tout cas, on a fini le calvaire matin, est terminé. Le calvaire, dis donc. Allô, t'es la bouffée comme une grosse vache toute la matinée là. Non, non. Excuse-moi, tu viens de me traiter de grosse vache là. Oui, comme une grosse vache. Tu as mangé, mangé, mangé, surmangé. Et tu as vu, j'ai beau manger tout ce que je veux, je reste toujours aussi mince. T'inquiète pas, ça c'est impressionnant. Ça se paye un jour, tout ça. Tu restes svelte. Oui, je sais, je sais. Tout se paye un jour, t'inquiète pas. En tout cas, c'était un véritable plaisir de passer cette matinée avec les auditeurs, un peu moins avec vous. Surtout le petit message que je viens de recevoir de Sébastien de Liège. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit Julie, je kiffe trop ta voix. Trop joli. Merci Sébastien. On salue tous les sourds qui nous écoutent également. Allez, passez une bonne journée tout le monde. On se retrouve demain à partir de 6h. Je vous embrasse. Salut tout le monde. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.